En direct du bar des studios Young Media, vous écoutez l'épisode numéro 120 de la saison 2024-2025 de la soirée du podcast. Coucou. Épisode des fêtes. Édition Gorlo. C'est Gorlo avec Gorlo ce soir, mesdames et messieurs. Ouais. Donc, l'alignement de départ pour le... Ça va les gars? Ouais! Je sais pas, là. Là, c'est mon siège. Ben, je me tourne comme fatigué, parce que je veux pouvoir voir tout le monde. Ah, y a une grosse. Parce que sinon, est-ce que. Les bouts de. Ici, c'est pour. Non, c'est. Non. C'est... Après, il est bon, fait en demi-rond. On a Antonin dans le chat qui nous dit salut, c'est le gars qui veut que je me pende à toi et semaine sur Discord. On a c'est lui qui est Patreon et qui. C'est lui qui paye et qui nous écoute pas. Fait qu'il nous dit salut. On le salue d'ailleurs. Salut. Donc, l'alignement de départ pour le podcast de ce soir, le numéro 37, Nick Chalifou. Le numéro 24, Marthe Véro. Le numéro 98, Alex Galipo. Le numéro 21, Dave Thibodeau. Oui, monsieur. Et le numéro 75, votre animateur, GF Crew. Solo. Solo. Ah, épisode festif ce soir. J'ai remonté le son des sound effects d'ailleurs, il est trop bas la fois. Sweet. On salue Furious Angel QC. J'ai fait une bulle. Bon, Dave, se passe. Dave commence le show en se présentant par le siège. Je l'ai fait une bulle. Toujours une bulle. On a le son de Martin. Ouais. Bulle au cerveau. Ah, okay. Voilà. Le show des fêtes, ça veut dire. Ça veut dire, c'est-tu l'épisode Jamie ça? Non, on n'a pas reçu un deuxième don de 50 $. On n'a pas eu notre financement. On a quand même des bouteilles et des verres. Là. Nick, il veut tellement faire des shooters. Là, on commence avec un shooter. Ça, pour, tu en plus, il chauffe pas. Ouais, c'est ça, c'est fucker. Tu vas chauffer jusque chez vous. C'est mon chauffeur. Tu chauffes jusque chez vous. Tu sais, toi, j'avais fait du carpool. Non, ben au moins, de deux qui chauffent sur quatre. On va boire en groupe. Ça s'annule, ça se divise. C'est pas divise. C'est chaud écolo, ça. Oui, oui. On fait du carpool. Moi, c'est si. Je me fais poser. Genre, j'allais faire une chose. Ok, mon mot, c'est quoi? I'm fucked. Non, non, commence... j'ai envie de faire un podcast, j'ai pas bu, monsieur. Le genre, il se fait du podcast. C'est quel le show? Comment ça qu'un shooter? C'est là qu'il dit, genre, ouais, c'est checké bon, le show. Ouais, c'est ça, on l'a checké. Puis, si c'est un des 5 auditeurs. C'est un de nos Patreons. Ah, mais ça, en même temps. This is not fucking baseball! It's true. Donc, soirée du podcast, émission de discussion ouverte sur les activités du Canadien de Montréal de la Ligue nationale de hockey. On vous en parle, bien sûr, avec passion et boisson festive, parce que c'est le temps des fêtes. Des sujets chauds couverts par des gars chauds. Marc, bienvenue pour la saison. Ouais, c'est long time no see. Ouais, on ramène des fantômes, puis Mallette est toujours pas là. Fait que, ouais, Mallette n'est pas là encore. Ouais. On Mallette a le Carl Finger là, qui représente fièrement toute sa Mallette haine. Mallette is missing. Sa haine vers Montembeau. Ouais, ben ça, il nous l'a décrit toutes les semaines dans le chat, fait que ça n'a pas arrêté tout ça, c'est encore là. Montembeau. On en parlera tantôt de Montembeau. Ouais. De snacks. C'est un shooter ou non? C'est quoi? Oui, moi, je moi, je veux le whisky japonais. D'accord. Mais oui, le whisky japonais, il coule tellement bien. Moi, n'importe lequel. Juste savoir, c'est quoi wow? Ben, c'est quand on va parler de Lane Hudson. Tu peux le mettre si tu veux. Ouais. OK. Fait qu'on va aller faire l'avant-match. Ça, Mark? Ouais. C'est Alice in Chains. OK. Le bouton Lane... C'est un hommage à Lane Staley. Ok, il y a comme des références dans tout ça. Là, cette bouteille-là était presque là quand on a commencé la saison. Ah ouais, puis on a juste fait 3 épisodes. C'est rendu genre au corps. On va t'en acheter un autre. Bon, alors c'est bien correct, les gars. Là. Ah, c'est bon fil. C'est là pour être bu. On va t'en acheter un autre. Fait que là, il n'y a pas de show en attendant qu'on se serre, c'est ça? Ah, non, mais là, je parle tout du temps. Là. On ne commencera pas sur notre période là-dessus. Là. En fait, on va la commencer là-dessus. Mettez les slides tantôt. Oui, fait que épisode festif ce soir, on va faire comme d'habitude. Ça commence avec des spiritueux. Oui, c'est ça. Ça commence très, très fort. En fait. En deuxième, la crème de menthe. Oui, mais en même temps, tu sais, c'est un épisode festif. Là. On va profiter. T'as pas posé le Guy en haut ici. Ça aurait pris Guy Lafleur. Oh, mon Dieu. Pendant que Alex sert des shooters, on va remercier nos 4 Patreons parce qu'il y en a un qui a débarqué parce qu'il a donné beaucoup trop d'argent au début de saison, on le rappelle. Ouais, ben, Jeff Lavoie, on le salue. Il aura le droit de donner un remerciement toutes les semaines pareil parce qu'il a donné 50$. Il a donné plus en une donné shot plus que quelqu'un en une année. Que 2 ans, en fait, quasiment. Là. Le monde donne une pièce, je pense. Là. Mais bon, on les salue. Pascal c'est Ayotte. C'est toi qui l'a dit, Bouffi. Pascal Ayotte, Alex, Monseigneur Neveu de la Verlechère, qui devrait nous envoyer des Doritos bientôt, apparemment, parce que j'ai entendu dire comme ça. Marc-Antoine Vien, qu'on a vu tantôt dans le chat, qui est venu nous dire des saluts. Salut. Et Eric Laforce, a.k.a. Trent Faucon. Voilà. The fuck. Je l'ai réussi. Ouais, il y a un chat. C'est bien cool. Non, c'est Trent Faucon. Voilà. Bon. Fait que voilà, les shooters sont servis. Ouais, ils sont servis. C'est Meager Delight. Ça part bien. Meager Delight. Hein? Cheers, les gars. Cheers. Santé. Cheers. Cheers. Cheers. Santé, les autres, yeah, les deux, trois auditeurs qui nous restent. Cheers. Cheers. Ah, yes. Joyeux Noël. Oui, hey, bonne année. C'est pas un whisky qui est fait pour se boire un shooter, mais on va le boire pareil en shooter. C'est très bon. Ça fait du bien. Mais en même temps, là, en shooter, il est pas désagréable. Ah, ça brûle même pas. Non, c'est ça. Tu sais, il coule, là. C'est bon. Je veux juste comme te rendre dégagé à l'intérieur. Toki. Ça, Martin, ça veut dire doux. Ah, pas vrai? Non, c'est vrai. Je sais pas. Non, ça aurait pu, je sais pas. Là. Écoute, je connais pas mon nom. Suntory Whisky Toki. Suntory Whisky Doux. Voilà. Et sur ça, on va aller commencer la première période. Allez. Et allez. Allez, fais-le. Bon. Fait qu'on y va avec nos plus et nos moins. Allez, fais-le. Yes. Plus et nos moins. J'aimerais dire qu'on commence avec le lendemain de la paix et des fêtes que j'ai vues de la. Ben, on l'a oublié, celle-là. Dégelé, là, faut qu'on prenne une minute pour parler de la game. Là. De 9 à 2, ça arrive. Ça arrive. Tout de suite. Là, ben, quand tu veux. Ben, on commence là. C'est free for all. On c'était pas mal. Je fais penser un peu à. Ah, Dave Axel Soundboard, by the way. C'est nouveau cette année, c'est ça? J'ai déjà embarqué. Ça paye ici. C'est des nouvelles affaires à page 2, Dave, d'ailleurs. Oui, j'ai vu ça. Vous me demandez des trucs, puis je vous dis. Ah, ce son-là, il dure genre. Ouais, c'est lui qui a 7 secondes. 2 secondes, mais il y a comme un temps mort de 8 à 2. La défaite de 8 à 2, là, je me sentis comme quand j'ai vomi dans le pays chez nous l'autre jour. C'est dégueulasse. C'est arrivé récemment? Ouais, ben non. Ça fait pas si longtemps que ça. Canadien non plus, ça fait pas si longtemps. Eux autres aussi, ils ont vomi dans le pays. En troisième, se sont vomis dessus. Ouais, ça sent. Non, c'était pathétique. Puis trois buts. En troisième, on s'est vomi dessus. C'est ça. C'est ce qui s'est passé. On avait dit qu'on s'en servirait de cet extrait-là beaucoup. Littéralement vomi dessus. 6 buts en troisième, quelque chose de même. 6 buts en troisième. Et 3 en 8 contre Primont. Tabarnak. Ah ouais, c'est écoute, fini le petit gars. Ah, il est fini. Fini le petit gars. C'est fini. Hey, ça a l'air que Zachary Foucalé veut tenter un retour dans la Ligue nationale. D'après moi, il ferait pas pire que Primo. Carrément. Hey, Foucalé, let's go, esti. Signez-moi ça. D'accord, il est dans la KHL. D'accord, la KHL, Foucalé, ça. Il joue encore. Ça en vient. Ben, amenez-le. Ben oui, why not? Va me chercher ça, ce petit. C'est pas vrai, c'est quoi les options, là, si on se débarrasse de Primo, là? Primo, le piment! Primo, le. Un rime avec Timo beaucoup. On t'en fout, quand même. Vous, tu le retournes. Moi, je le retournerais. Hey, Mark, il est dans ta barre. Ah, mais là, faut que tu montres quelqu'un. Belfort, c'est ça, ou dans. Ah non, mais mon préféré, c'est Jablonski. Pat Jablonski, man. Chris, on le ramène. On ramène Cristobal. Mais oui, mais. Cristobal est un des plus beaux casques, je le dis tout le temps. Mais ça donne à rien d'aller le mettre dans le. Ben, bon, il va s'en bâtir une confiance, le petit gars. Il s'en bâtit. Il y en a déjà eu une. Dans mineur, oui. En fait, au moins, donner une chance. C'est juste pour te donner bonne confiance pour mettre un kick comme troisième. Bonne confiance ou bonne conscience, parce que moi, je m'en débarrasserais. Fuck la conscience. Débarrasse de qui, là? Primo. Primo le piment. Mais personne va en vouloir. Fait que tu le retournes dans les mineurs, puis t'emmènes un autre, puis tu lui donnes une chance. On a Montombeau, puis on a piment. On a Motte. On a Snacks, puis piment. On a Snacks, puis piment. Use. Ben ouais, mais Use, ils vont l'essayer parce que Dobesh, ils ne le montreront pas. Ils veulent le garder pour l'année, puis il est bien parti d'une crise de belle saison. Gardons ça pour l'année prochaine, au pire. Mais Use, why not? Ça peut pas être pire. C'est genre chauffeur de Zamboni qui avait Golin. Ouais, Toronto. On pourrait faire comme l'Avalanche, puis aller chercher ce gardien. Là, pourrait mettre changer Chantal, des gardiens. Ah ouais, mais non, mais oui, rendu pas, là, ça se fait, right? T'en souviens? Pogner un jeune malade sti, qui a gagné comme un rêve d'enfant, Gaulis. Rêve de Gaulis. Faire game de cancer. Ah, là, là, t'es-tu en rémission, toi? Oui, bon, t'es bon pour Golden Game. Un petit kid qui joue entre la 1 et la 2, le petit Munchkin. Le petit Munchkin. Ça, ouais, mon Timbits, vas-y. Ouais, mon Timbits. Puis le pire, c'est que l'équipe joue comme un cul en défensive. Mais ça, à cet âge-là, mon Tambo va le manger. Le Carl Finger vibre en arrière là, quand vous dites ça. Non, parce que le pire, c'est juste le team joue encore pire en défensive quand c'est lui d'un goal. Mais Montembeau, là, quand il accorde, c'est avec toi, Alex, on disait ça. Ouais. Quand il accorde genre deux buts, là, après ça, il est shaky. Ouais. Puis on dirait que la défense est shaky. Mais c'est ça que je voulais dire. Pour vrai, Snacks, je vais le défendre. La saison. Il s'est replacé en esti, puis il est bon. Il fait des beaux sacs. Mais la défensive a zéro confiance. Non, mais... C'est pathétique, notre défensive. OK, mais attends un peu, là. Mais le team n'a pas de confiance. Les deux buts là, que Rust là, il a fait, c'était pas arrêtable, ça. Là, il a shifté tout le monde. Mais, là, ah, mais... le premier, il a comme shifté à la défensive. C'est Matheson qui a été une crise de passoire, là. Oui, mais ça puis après arriver, ça, les revirements là, défensifs, c'est à toutes les crises de fois, je l'adore, Lane, là. Lane? Lane. Wow. Yes. Puis, juste impressionné. Ah ouais, carrément. Je l'adore, mais Chris, il y a des revirements avec ce gars-là. Ah, Matheson en fait, maîtrise. Chris, c'est le gars qui a le plus de skills. Puis là, on va en parler dans une couple de minutes. Spoiler. Il a tellement de skills, mais ce gars-là, il n'est pas capable de sortir la puck. On a un gros Chris de problème pour sortir la puck, pour relancer l'attaque. On a des défenseurs qui sont juste calissement incompétents. Je m'en souviens, il y a une couple d'années, on parlait contre Petrie, qui n'était pas capable de chier une passe l'autre bord de la ligne. Là. Mais là, on mais a deux défenseurs de même. Là, à la défense de Hudson, c'est un kid. Absolument, ça, c'est bien correct. Puis ce que je trouve cool, c'est que là, présentement, il laisse juste aller. C'est parfait. Laissez-les aller, laissez-les apprendre. Il va faire des erreurs. Il en fait, man. Il crée tellement de revirements, le jeune, mais il fait tellement de belles affaires en flash. Je vais lui pardonner deux revirements pour ses flashs. Dans une game, il y a pas mal plus de flash que de revirements, probablement. Le problème, c'est qu'il va falloir qu'il, malheureusement, s'ajuste. On va lui donner un IQ plus élevé que le 3 quarts, même le 90% de ses coéquipiers dans cette équipe-là. Qu'est-ce qui arrive, c'est que lui, quand il a ses flashs, puis qu'il part, puis qu'il y a des passes que Chris, un joueur de talent, va pogner, puis ça va être un beau jeu qui va se créer pour aller en zone offensive. Oui, parce que là, présentement, les joueurs sont pas prêts à mais ces quand jeux. Fait un c'est zéro. Qu'est-ce qui arrive, c'est que lui, là, lui, il a déjà pensé 3 coups à l'avance avec sa passe. Il est déjà flyé, là. Puis là, il réception de passe de marde, comme hier. Il a fait une belle passe quand même. Mais c'est pas la plus belle passe, mais il a fait une belle passe saucer pass, passe à saucer pass. Saucer pass. À Heinemann. Heinemann l'a chié ça, ça a fait un revirement pour un but d'une shot en troisième. Il en a fait à Devorak et tout, puis il l'a chié. Le problème, c'est que là, on parle de... Tu sais, Heinemann, il est bien correct, là, on va lui laisser une chance aussi, mais tu sais, Devorak, sacrément. Moi, pour vrai, Heinemann, je l'haïs pas. Non, je l'aime bien, Heinemann. Heinemann, il est bien correct. Mais il fait pas mal. Mais Heinemann, là, pour moi, là, c'est un genre de... Émile. Hein? Émile. Pour moi, ça, c'est notre prochain Armia. J'ai l'impression. Ouais. Un peu plus petit, mais oui, il a le potentiel. Parce qu'il est quand même grand, il est quand même costaud, il a un bon shot. Il a des skills corrects. Ouais. Le but d'Armia hier, Armia, il était beau. Il a une crise de shot, là, pareil. Le but d'Armia Émile, hier. Émile aussi, un bon shot. On va parler en deuxième du shot d'Émile. Beau shot, Émile. Mais Hudson, ce que tu disais aussi, c'est qu'il est comme. Moi, je trouve que c'est souvent, il est trop en offense. Là, puis là, il pinche trop des fois. Mais il va falloir qu'il apprenne. J'aime ça le voir faire. Non, non, non, mais c'est pas un offense. C'est pas quelque chose que tu joues. À un moment, il faut qu'il dose. C'est comprendre quand le faire. On venait avec la maturité. Ça fait, des fois, c'est parce qu'il n'est pas prêt. Ça fait une contre-attaque que là, des fois, ils sont prêts. Ils sont débordés là, après. Là, ouais, puis on n'a pas de shot vraiment non plus. Non, là, il manque son but. Il tire à côté du net. Mais il hésite. Il y aurait une ouverture pour shotter. C'est comme un Suzuki qui veut toujours chercher la passe. Mais je pense pas que c'est sa force. De toute façon, son c'est pas sa force. Il manque de confiance là-dessus. C'est skill, c'est clairement. C'est un hostile playmaker. Puis il y a une vision de jeu incroyable. On le voit, là, ça, c'est comme. C'est juste dans un qui bouge, dans un qui fait une feinte juste passer. Ah, juste sortir là, dans le coin. Là. Oui, c'est le petit passe qu'il fait. Il fait tout le temps, il fait tout le temps un petit move avant. T'as clenché Malkin hier. Il y a un joueur proche de lui, puis qui est proche de la rondelle. Il fait tout le temps une petite feinte, un petit move. Il fait tout le temps bouge la tête, les épaules, tout. Puis il réussit à chier tellement de même. Complètement d'accord avec sa shot. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on a une attaque à 5 en ce moment qu'on n'a pas besoin parce qu'on en a deux snipers. C'est suffisant. Ouais, mais les deux, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon power play. Je sais pas. Ouais. Puis, quand même, Suzuki, oui, il fait la passe, mais Suzuki est capable de shotter. Puis, il va la prendre la shot quand il y a 100. Fait le fait que le fait que Lane n'a pas tant la shot, pour l'instant, c'est pas un problème. Au contraire, on en a des shooters. Ah, on en a des snipers. De lui, mais Lane, il a la shot. Mais la journée qu'il va être capable d'avoir au moins un shot respectable au filet pour amener une autre threat, une autre. Menace. Menace, merci. Moi, je pense threat. Je flippe pas en français. Là, je regarde Alex en panique un peu. Alex, il est comme, pourquoi tu me regardes? Moi, tu veux que je fasse quoi pour t'aider, toi? Moi, je parle juste en anglais. Comme, oui. go on. Go on. And. Alex, il est genre comme j'ai l'air de le style Duolingo. Là, Martin, t'es mon homme à partir de maintenant. Moi, je suis okay, comme non. Bon. Je pense en anglais comme toi. Fait que faisons nos plus et nos moins parce que c'est excellent comme show. Faisons de quoi? Commence donc, toi. Avec quoi? Nos plus et nos moins? On va commencer dans le négatif. Négatif. Choisis. Vas-y. Je vais dans le plus. Oh, tabarnouche. C'est ce qu'Alex dit. M'a donné à Josh Anderson. Du bon hockey. Bon corps. Bon Josh. Récemment. Un Chris de moins au début de la saison. Qui n'est pas capable de la coller dans le net. Mais là, il y a des meilleurs efforts. Je suis d'accord qu'il travaille. Ben. Je vais connaître l'effort de lui puis Gallagher, là, pour vrai, il travaille bien. Ouais. Ouais, la ligne est vieux. Oui. Il est la vieille. Là. La ligne est vieille. Il amène du momentum. Il patine en tabarnak encore. Ah, ça, c'est mystérieux. Ah, c'est un train. C'est un train, ce gars-là. Il fait juste un fucking. Gally qui va être. Ouais, il patine vite en arrière du net, fait le tour, puis perd la poche. Une bonne mise en échec par-ci par-là. Il va faire un check, perd la poche. Il va changer au banc. Mais il amène du momentum. Ouais. La possession en zone adverse. C'est pas lui qui la possède. Pour vrai, là. Il la possède jusqu'en arrière. Non, mais bon, c'est ça. Lui, il est fait pour aller en ligne droite puis faire la shot puis la titre, là. Fait que, mais un cheval, man. Tu donnes une tape sur le comme un Michael Ryder. Michael Ryder, c'est un sniper. Pas de sniper, mais il allait droite, shootait. Il faisait tout le temps le même. S'il y avait moindrement le quart du talent des garbage goals que Ryder avait, Anderson ferait encore son 27 buts par année. Josh, hein? Pour l'instant, oui. Pour ces deux semaines là, qu'il y a eu. Là, c'est une belle petite séquence. Les gars, allez-y. Dave, Josh, c'est pas un mauvais choix. moi, Chris... T'es en train de checker le line-up dans sa tête. Et qui sait, je non, regarde le soundboard. C'est qui déjà qui joue pour le Canadien? Bergevin, il joue tout pour le CH. C'est qui les joueurs? Mais j'ai lu le line-up, là, ben, on peut même le mettre à l'écran maintenant. Ah, ben ça peut être bien. Canadien, line-up. Vas-y donc voir. Je connais pas nos joueurs. Hein. Nouvelle infographie. C'est qui nos joueurs? Non, je suis encore là. Ouais, non, mais Carbo, joue-tu de ce passé? Hop, c'est noir, il va falloir que je. Hey, Chris. Peut-être. On est encore là, tout le monde. On continue les temps morts. J'ai redémarré dans ce temps, c'est ça. Joshua Suzuki. Ça, on voit même les. Caulfield, Dvorak. Non, mais on salue vrai, Jim 99999. Hey Jim, hey Furious Angel. Non mais ça sent même voir. Je pense que je m'alignais pour Liney là, juste parce que pas parce que je le trouve pas malade, mais juste l'aura qu'il y a autour de lui. Je pense que ça a fait que tu sais on a eu. Il est revenu, puis on a eu une bonne séquence quand même. Ouais. Fait que les autres équipes ont changé un peu la façon qu'ils jouaient contre nous autres. Oui, il a fallu que ça ajuste parce que là, on avait comme deux lignes qui étaient comme plus productives, même s'il a fait ses buts en power play. Ouais. C'est un joueur respecté, même. Mais tu sais, je veux dire, je pense que Liney, sans dire, comme je disais, c'est pas le gars qui travaille le plus fort, c'est pas le gars le plus vite, mais son aura a fait... T'sais, Mallette, il parle souvent de l'aura de Montembeau. Comment l'aura... No aura. Non, mais comment il aime l'aura de Montembeau, t'sais, pis qu'il trippe, ben moi, je pense que l'aîné, c'est un peu ça aussi. Ouais. Ben oui, c'est clair. Non, mais oui, mais pour vrai, mais c'est vraiment son aura, t'sais, tout ce que ce gars-là dégage, comme ça a juste, comme on dirait, donné un petit kick à l'équipe, fait que... Juste pour ça, je pense que... Oui, puis en ce moment, il essaie de faire fonctionner le deuxième trio parce qu'on en a besoin, mais la réalité, c'est que... Laney, il serait avantagé de jouer avec un centre qui a de la confiance. Parce qu'il fait la job. T'sais, c'est plus facile en avantage numérique, là, c'est sûr. Mais le gars, il fait la job, tu le vois, là, sa shot là, est là. Mais lui, il a besoin d'un gars pour la préparer. Là, il va le prendre, le shot, c'est ça. Maintenant, c'est pas mal. Il joue avec deux ailiers, ouais, un centre et un ailier qui a zéro confiance puis qu'il chie dans la pelle. Mais je veux dire. Clairement, ça l'a amené du boost à l'équipe. Ça l'a aidé mentalement. C'est hot, là. On est excité de voir ça. Si tu le set up, ce gars-là, là. Il a le shot, là. Ben oui. Il est prêt en tabarnak. Ouais, il est prêt n'importe quand. Man, oui, puis il a... Place, il place où il a envie de le placer. Il est pourri défensivement, là, on va se le dire, mais il fait l'effort de back-checker. Hier, quand il était dans le net, c'était en arrière, je pense que c'était en arrière de Primo. Début, là, il a essayé dans le rondelle des airs. Il a sorti la poque avec sa main. Décalisse, va-t'en. Mais au moins, il fait un back-check que, exemple, Doc, il fait pas. Ouais, ouais, mettons. Ouais. En ce moment, mais c'est ça, on en reparlera dans on deux minutes. On en revient. Ouais, on veut dans le chat en parler d'ailleurs, ouais, de ça. Doc. Ouais. Exact. On Alex, va en parler. Mon plus depuis le dernier podcast, je vais le donner au préféré de Mallette. À part la game d'hier. Si on oublie la game d'hier. Ça arrive. C'est un bon cas, ce son-là. Ça va être mon plus. Mais pour le mois de décembre, depuis le dernier podcast. Je sais pas. Ah non, mais depuis deux, mais il y a eu une bonne séquence. Bon, Tambour, le problème, c'est ça. Mais je vais quand même le donner à lui. Il mérite pour cette période de deux semaines-là. Non, mais il y a une confiance, il y a une confiance fragile, je pense. Il était solide, il était ou les trois premiers. Il s'est sorti de la game. Il était en top 10 de la ligue, des goalers. T'as les trois premiers dans plusieurs catégories. Hey. Premier dans les victoires avant hier. Il s'est fait sortir combien de fois? 4-5 fois? C'est paradoxal en tabarnak quand tu checkes ça. Parce que c'est le montagneux, c'est pas constant. Il n'y a pas de constance. Il est dans les top des blanches sages, mais c'est le goaler qui se le plus souvent sorti dans la game. Il y en a jamais eu deux. Ouais, exact. Il a fait, l'année passée, il a fait une saison complète de chaises musicales. Ouais. C'était un ménage à trois, là, en fait. Ouais. Le ménage à trois. Je demandais le temps. C'est genre, c'est le worst case scenario. Genre, ouais. Un goaler, genre de, ouais, de partager. Ça te joue tout le temps dans la tête. T'es pas capable de trouver tes repères, sûrement jamais. T'es tout le temps comme sur le qui-vive. Là, c'est sa première saison dans la Ligue nationale qu'il y a genre du full-time. Là, que c'est lui fixé. Il n'y a pas de backup. Je dis pas qu'on devrait pas le trader. Là, juste que... Ah non, mais c'est mon plus. En ce moment, c'est sûr qu'on ne l'aide pas non plus. Non, mais Montréal est tendance. On ne score pas de but, calice. Ouais. Je veux dire, on ne score pas de but. Puis dans le temps avec Carey Price, ça pouvait marcher parce que Carey Price était extraordinaire. Il en donnait une, Max. Mais tu sais, c'est ça. Il était capable de faire ça. Mais tu ne peux pas faire ça avec Montembeau, calice. Non, je veux dire, c'est ça. Pour moi, c'est le nouveau UE. Pour moi, c'est le UE de nos jours. Je trouve que il a été capable de voler des games dans le temps. Il était à chier, Puis on avait le team qu'on avait. Puis c'était un team différent. mais il fait penser un peu à UE. Parce qu'on l'a aimé, UE. Il y avait quoi? Il y avait une connexion. Je pense que Snacks, on a une connexion quand même avec. Puis le gars, il a été l'artisan numéro un de la série de victoires du Canadien récemment. Je suis d'accord complètement avec le plus. Oui, il n'est pas parfait, mais pour vrai, en ce moment... Mais il mérite depuis deux dernières semaines. Lui ou Primo. C'est mon plus, avec une dimension pour Laney. Laney Hudson. Avec ses belles joues. De ce temps-ci, avec mon gars, on écoute... il est parti sur une fripe d'écouter Mighty Ducks. Là. Ouais. Puis je trouve que mon tambour, il ressemble à Charlie Conway. Quand il était jeune, il ressemble à Charlie Conway. Il joue dans Daredevil, ça? Joshua Jackson. Non, c'est ça. Charlie, c'est pas le gars qui joue dans l'autre équipe, ça? Non, c'est Banks. OK, c'est Banks. Ah, ouais, c'est frais dans ma mémoire. Si je les écoute live. Fait que ça, Charlie, c'est la petite Charlie, c'est de le petit gars qui est genre... Quoi? C'est numéro 96. Ouais, dans le premier film, c'est lui qui fait... La mère monoparentale. Sa mère est monoparentale. Oui, ça tombe en amour avec Emilio. Emilio! Avec Bombay. Emilio! Gordon Bombay. Emilio! And he tipped his hat just like that. Faut pas qu'il coach une équipe de mineurs parce qu'il s'est pogné pour alcool au volant. Ouais, c'est tellement pas de rapport. C'est un avocat qui boit dans son char. Ah, oh, on va te faire coacher une équipe de mineurs. C'est un ancien joueur. C'est ça, ses travaux communautaires. Ça va être quoi la prémisse? C'est pas grave, on checkera à la fin comment que ça commence ce film-là. Bon, les gars, on a oublié de l'écrire la prémisse. Ah, c'est un alcoolique pour faire quoi des enfants. C'est un gars qui pète la balloune. S'il passe en cours, puis il faut qu'il coache les gens. Il pète la balloune, puis il va coucher des mineurs. Il embarque sur un lac avec la limousine au début. Sa mère de Charlie, justement, elle arrive, puis elle capote. C'est dangereux, ça pourrait casser. Mais non, il n'y a pas de danger. Tu écoutes en français. C'est grave, c'est ça. Faudrait faire un live play-by-play qu'on écoute les Mighty Ducks. On analyse les jeux, on analyse les Mighty Ducks. Le lancer. La formation. Ils ont quoi là-dedans? Ils ont genre 10-12 ans, peut-être? Ouais. Hey, man, écoute. C'est robuste comme jeu, là. Ils se plaquent. Hey, ils ont pas de visière. Non, ils ont des visières. Ils ont des visières en gris, oui, c'est vrai. Ouais. Mais écoute, ils se ramassent dans la bande, mon gars, là. C'est violent. Pas les petits tapettes, ça. C'est comme. Raph, en fin de semaine passée, il a fait un. Qu'est-ce que. Je suis stallé. JF a comme fait un AVC directement. Il se plaque. JF est comme un chevreuil. Il se plaque. dans quelle journée qu'on est. Ta date de fête, c'est quoi? Qui a collé une bière, ça? Oui, en a un qui a une bière de foot. Ouais, ouais, merci. Mais non, mais là, c'est là qu'il va voir le vieux monsieur et il va chercher le Hans. Hans, ouais. Il se fait commanditer par Ducksworth. Ouais. Mais c'est quelle année, ça? C'est genre 92, à peu près? Ouais, c'est juste avant que les Stars déménagent. Ouais. Au Texas. On c'est parce qu'ils amènent voir une game des North Stars. Oui, des, ben, de Modano. Sauf qu'ils ont changé des Stars déjà. Oui. On demande dans le chat, Dave, si Robert a un casque de football. Oui, il y a un casque de foot. Au début, ils ont de l'équipement dégueulasse. Ouais, c'est tout mismatch, ouais. Puis il va Gordon, là, pas Gordon, Gordon mais Goldberg, là, c'est le goaler, puis genre, il n'y a même pas de pad. Là. Non, mais on va se dire, là, Primo, c'est un peu Goldberg. Ouais. Pas capable de son papillon. Je suis content qu'il tape dans le net, là. Primo, tapé dans le net. Il chante tout dessus. Non, mais il est devenu meilleur dans le deux quand il est devenu défenseur. Oui, parce que la fille, elle est bonne. C'est la fille qui est goaler. Bah ben, voilà, c'était pas toi, Mike, ton plus ouais. Moi, c'est mon. c'est vraiment cool, là. Moi, c'est Lainé, man. Si tu oublies ça, là. C'est Lainé. Mais non, mais. Bandé Lainé. Bandé Lainé. Ben, red, man. Asti. En plus, j'ai vu son deuxième goal, Asti, au Centre Bell contre Nashville. Puis, je suis en arrière des nets, Asti. Je suis genre deuxième rangée. Julien était là en même temps que toi. Ouais. Ben, je capotais. Claude? Sur le power play, man. Je pense que j'ai vu ses yeux checker le top corner, puis il a fait comme il a shoté. Je vais être. Oh, malade! Je vais être guerre. Mais non, mais pour vrai, là. Il a pas joué pendant un an de temps. Ouais, il revient première game. Tu vois qu'il n'y a pas de speed. Il échappait comme. Ben, il avait du speed quand même, mais tu voyais qu'il cherchait ses repères, la puck, les passes, c'était un même peu. Même encore aujourd'hui. Il scorait un but, man. Première game, c'est comme quel joueur fait ça sans revenir, genre d'une petite préparation. Pas rien, man. Asti, il revient, puis il est comme. Ça coûte après le cancer. Oui, ça coûte. C'est un naturel. C'est une machine de guerre. Sa shot, il peut perdre le speed, il peut perdre le rhythm, mais il ne perdra pas sa shot. La shot n'a pas rapport. S'il place la puck sur la palette, comme du monde prend sa shot, oublie ça, c'est assuré. Il a tiré sur le casse. Dredd sur le casse. Il a tiré dans le casse. Nick? Nick! Je voyais avec mon chouchou, Jack Eye. C'est ton chouchou. Il s'est beaucoup amélioré dans les derniers games. Il a pris de la confiance. Il est plus agressif quand il y a un joueur adverse en avant de lui. Il va aller à confrontation. Pas nécessairement juste le hit. Il va aller chercher avec son bâton. Il a gagné pas mal de batailles, si on veut, ou de one-on-one avec d'autres joueurs. C'est encore difficile dans sa zone quand c'est à l'entour du net, quand ça tourne, c'est encore difficile. Mais le gars, quand il y a une attaque adverse, il est capable d'arrêter. Il est capable d'avoir une belle possession. On l'a vu une couple de fois dans la zone adverse. Il y a un shot qui sera honnête. Le gars, il passe bien confiance. Et tout, pareil. Il sort la puck aussi. Il se bat moins plus. De pénalité stupide. Il se bat plus. Mais il... ses combats, ils ont donné sa confiance. Ben il est comme combats, je pense qu'il y en a un combat. Contre Olivier, puis un autre, j'oubliais. Peut-être deux. Puis le gars. Gann, hier, il a joué 21 minutes pareil. Là. Non, il est beaucoup plus solide. Il était à 13 minutes à un certain moment, là, puis il est rendu à 21. Ouais. Si tu regardes lui, puis Struble, que le monde disait, oh, Struble devrait prendre sa place. Struble, il chie d'un coin. Ah, Struble, ouais, je trouve ça en branle. C'est pas très bon. C'est pas très bon. Goulet. Goulet et tout. Goulet, on dirait que c'est la gang. La deuxième année. Je pensais que tu disais, genre, Goulet, c'est le nice de la guerre. Goulet, man. Mais c'est plus que deux ans qu'il joue. Ouais, mais c'est la gang. Je sais, mais on dirait qu'il est pogné dans la gang. C'est la gang du temps des fêtes, d'habitude. Mais ça va. Je capotais. Quand j'étais au match, là, au Centre Bell, ça m'avait fait freak out de voir quelqu'un avec un chandail de Goulet. Je sais comment on s'en lisse. C'est que tu fais lettrer un chandail de Goulet, man. Lettré. Le pire, je le ferais, je pense. Je l'adore. Ah, bah ouais. Il est malade. Je sais pas, là. Puis, hey, je vais embarquer mon moins. Ouais, ben allons-y. Matheson, c'est je vais être le premier. Ben ouais, parce qu'il sait que c'est, moi, c'est le même. On en a parlé un peu dans le char, mais. Je vais y aller simple. Le gars, ça fait des pre-shows dans le char. Ouais. Il a bien passé le temps. Le gars, Chris, le gars, il a du talent. Awkward silence. Asti, il a la meilleure. Ouais, c'est ça. Il a la meilleure défense. Le meilleur coup de patin. Il a des skills de malade. Puis le gars, Chris, il est dégueulasse. Il est terrible. Aïe, là. Comme aïe, Gilbert, là. Il est mou comme la merde. Aïe, là. Il fait des astuces de malade. C'est pas vrai, là. Souvent, là, as-tu remarqué souvent sur son pivot? Quand il était en back check, là, il tombe tout le temps, man. Ah, il pousse. Check, ouais, genre, on pourrait le mettre, là, si... Back check. Full check. And paycheck. Je sais pas qu'est-ce qui est le plus drôle, genre, dans c'est le show. Le je pense que c'est le rire. C'est le rire. C'est le rire. L'ensemble de tout, c'est tellement... Et c'est pas de palette en avant, là. Oui. L'ensemble de l'œuvre, là. Ouais. Fait que, ouais, non, mais absolument, le gars, il a des skills de feu. Man, il tombe tellement souvent sur le cul. Non, c'est ouais. Comme... Faire tous ces batailles à compteur. En avantage numérique, est-ce qu'on dirait qu'il fait juste bretter? Ouais. Il fait juste gosser. Il fait des passes insignifiantes. Pensez-vous qu'il joue ça? Mais oui, il y a des rumeurs qu'il joue blessé pour vrai. Ça se pourrait bien. C'est parce qu'il doit manger moins de carottes, d'après moi. Fait que, mais j'espère qu'il y a des carottes. Manges-tu moins de carottes? On va appeler le nettoyeur de manière. Demande à son terrain de joueur ou à son carreleur. Mange ses carottes avec son jus de citron. Service de garde. C'est ça. Fancy. Mais dans les moins, sinon Kirby Doc. Ah, c'est un classique. Hein? Deuxième fois. Il a compté un but. À trois fois, le plus gros. Dégueulasse. C'est un but solide. Hey, man, un os. Garbage. Je pense que à trois fois, le même moins, en trois games différentes, on n'a plus le droit de le prendre. Non, mais pour vrai, c'est un but. C'est un but qui était comme à la hauteur de ses performances. C'est un but mal. Si c'est ça qui le remet dans le game, tout le monde est content pour lui. Après, pour vrai, là, moi, pour vrai, quand il a compté ce but-là, j'étais comme bon. J'espère que ça leur part. J'espère que ça va le débloquer. Et ce ne fut pas le cas. J'ai regardé les highlights de la game d'hier encore un matin, là, juste pour être sûr qu'il avait joué comme de la merde. Puis Nick, check les VHS chez eux. Il y a une passe spécifique que Lainey passe en entour du net. Il s'en va pour essayer de faire un wraparound pour compter. Puis là, la puck revole. Puis il y a une contre-attaque de l'autre bord. Il y a un joueur qui bloque Doc juste à côté du net, genre, mais légèrement. Comme si je te faisais ça un puis peu. Juste pour dire, là, ouais. Le gars, il en a profité pour pas faire de callis de backcheck. Puis on est allé se faire compter l'autre bord après comme 5-10 secondes. Ah, lazy, le gars, il a volontairement décidé de pas se donner pour en venir. Ça m'a tellement fait lazy, chier. Oui. Exactement. Il donne aucun effort. Il dit ah moi je compterai pas de la merde. Il a comme déjà abandonné sur lui là. Yeah. Ça fait 4 c'est un problème. Mais tu sais c'est comme l'aîné est revenu. Bon. Il y a déjà plus de buts. Le joueur qu'on a pas le droit de nommer. Il y a déjà plus de buts. Alex Blair, qu'on parle de droit. Puis l'année passée, le gros problème l'année passée c'était Anderson. On s'en souvient, c'est dégueulasse. On Anderson, sur qui, au moins Kirby Dach. De Kirby Dach Antoine. Mais au moins l'année passée Anderson il se donnait, il comptait pas pour une scène, mais il se donnait. Il essayait. Il essayait de faire de quoi? Doc, Chris, il se laisse aller. Yeah, il crée rien. Ce gars-là, il crée même, c'est quoi qui... Dans le chat, on demande si Pudzeta est encore... Tu pourrais mettre cocaine vu qu'il y a eu Pud. Il y a clairement un manque de confiance en lui. Et manque de Pud aussi. Pudzeta est encore là. Il a des beaux habits. Ouais. C'est la seule affaire qu'il y a. Est-ce que tout le monde a fait son moins? Moi, j'ai piggybacké. Lui, il l'a pas fait. Ben là, c'est dur de pas dire. C'est-tu Dak, ton moins? Quatre, trois, soit. T'as Dak? Primo? Primo? Ah, Primo, on peut pas faire ça dessus, Carlis. On fait pas ça comme on. On dirait qu'il essaie de goaler la game en faisant des kicks safe comme dans les années 60. Des kicks safe. Primo, c'est le bout. Primo, il a lâché le seul papillon, c'est rendu un stand-up. Ah ouais, couché sur le côté, man. Fais de la brasse. Le Dominique Hachek est en moderne. As-tu quelqu'un d'autre? Ben non, mais c'est sûr que c'est Dak. Hein? Toi, t'as-tu quelqu'un d'autre? Moi, c'était Dak. C'était Dak avant d'arriver. Fait que Dak, Madison. Voilà. Et Caulfield, par exemple. Hey, ouais. Il génère pas grand chose tant que ça. Là. Il fait des buts, man. Ouais, mais il est tranquille en calice. Parce qu'il sort avec des mangeurs. Mais il fait des buts, mais on finit avec des games juste de 3 buts, puis on score juste en powerplay. Il spawn des hommes. Il score pas powerplay. Il fait sa job. Mais l'autre affaire aussi, là, c'est genre, hier, il y avait des powerplay, puis il y avait comme Lainey, puis. Caulfield, man, sur ce même powerplay, j'étais comme non, ça marche pas. Mais c'est le même depuis le début. Depuis que Lainey est revenu, ça a été comme ça. C'est peut-être Caulfield. Chris, ben Caulfield. Ben, il y en a un qui est pas sur mon bord. C'est parce que Caulfield, souvent, ils le mettent à. Ouais, mais c'est bon parce que. Moi, je voyais plus Suzuki. Caulfield, il était effacé. J'ai vu Suzuki avec Lainey beaucoup. Ouais, mais c'est P1. Mais Caulfield, c'est pas un passeur. Ouais, mais c'est comme Crosby, Malkin, c'est P1. Fait que là, cette fois, c'est à checker deux gars. Il a jamais eu le puck, là, quasiment. Ouais, mais ça, c'est parce que ça passe tout croche. Ça, c'est pas la même chose. Mais il y a pas de shot. Si tu mets Crosby Malkin sur le power play one, Là, faut que tu couvres deux gars, puis là, t'as le temps, t'as le troisième. Mais les autres, là, au moins, t'as deux gars à couvrir. Dreisaitl, McDavid, là, en exagérant. C'est ça, là, mais, ouais. Exact. Fait que c'est ça la tactique. C'est de dire, ben là, qui va shotter, ils savent pas. Fait que là, les joueurs. Tout le monde veut attendre à la ligne. Tout le monde veut attendre à la ligne. Sinon, il attend tout le temps la passe à Carfield. Il y a plus de Magic Touch. Sur un shooter par période. Avant l'aîné, il couvre tout le temps Carfield. Ils savent c'est Carfield qui va shooter. On va manquer. Ouais, mais l'aîné, il y a bien plus le Magic Touch, man. Je trouve. Regarde le Magic. Wow, wow, wow. Ah, je te dis, il y en a pas faire. Juste une coupe de game. Attends une minute. Ben, c'est justement. Ouais, mais le Magic Touch, t'es juste ça, t'es meilleur. Il a scoré sur ses trois premières games. T'es ça, même c'est temps, le premier qui score. Ah, je pensais qu'ils vont faire une compétition. Compétition dans les trios. On veut des buts. C'est pas grave. Dans le chat, qu'est-ce qu'on dit? On dit enlever Dak, mettez Pizzetta à place. On pourrait. Puis le commentaire sur la NFL, bon, là, c'est Alex... Il dit, mon père m'a juste écrit ce matin, il m'a dit, je peux pas croire que les Patriots, ça va mieux que le CH. C'est vrai. C'est, en ce moment, les Patriots, ils ont surprenamment une fiche meilleure qu'on s'attendait. Ouais. Fait que... Ce sera dit. Mais c'est ça. Voilà. Fait que, et voilà. D'accord. Mais... Sur ça, on va aller faire une attaque. Ouais. Et on va revenir pour les audios vidéo de la deuxième période. Oui! On est de retour pour la deuxième période. Là, on a juste bu 14 shots. Ça se démodera jamais ce son-là, je pense. Tatar. On met le don de Tatar. Écoute, ça, c'est magique. Là. Ah, c'est beau. Mais moi, ça, là, c'est beau. Mets-moi un petit Claude Julien qui fait... On a sorti les classiques. Ah, c'est la période de. Maudit qu'on du bon stuff. On parle de quoi, on fait quoi? Maudit qu'on du fun. Maudit qu'on du bon stuff. C'est la période des vidéos et des audios. Fait que c'est la période qu'on boit et qu'on dit de la merde sur des extraits. Avant, on répond-tu à Jim? Ouais, il y a des gens dans le chat qui disent des choses. Il y a des. On dit. Pensez-vous que rappeler Owen Beck à Laval pourrait être une bonne solution? Enlever Dak, mettez Pedzeton, on l'avait-tu dit? Ouais, ok, on est là? Ouais, exact. Ma réponse est non. On ramène pas Owen Beck? Ma réponse est non. Je pense que Owen, en ce moment, c'est sa première année pro. Là. Puis, moi, je le laisserais. À Laval, il a l'air d'avoir un bel environnement. Ils gagnent. Ils sont en train de créer une culture un si peu. Si on peut dire ça, ça pour Dobesh, on peut dire la même affaire. Hey, si on a taffé comme Aïs aussi longtemps, on est capable de taffer Dobesh et Beck. Ouais. Hey, rappelle pas des vieux souvenirs. Chris, il m'a coupé mon volume, le gros, man, le fil. Ouais, ok, c'est bon. Si tu touches ce fil-là, man, c'est magique. Il va falloir que les arranges perdent. Je sais pas, j'ai pas d'opinion là-dessus pour vrai. Là. Je pense pas que c'est comme ça. Pas d'opinion la, sur la le la Beck. Mais Beck, il y a combien de goals? C'est quoi? Il y a une bonne saison. Une belle je sais saison, pas c'est quoi ses stats. J'ai pas les stats, mais franchement non plus. Mais faut aller voir. Ils vont circuler. J'écoute pas le hockey. Demande à l'intelligence artificielle. J'écoute pas le hockey. Gemini. Il va falloir que je prenne le GPD direct dans le podcast. C'est ça qu'on fait, ça? Je pourrais, le pire. Tout est là, Beck. Juste payé à aller faire des gigs de podcast. Jeff Beck. Bon, on va vous sortir ça, les boys. Yes. Bon, Laval, cette année. Il y a 20 points en 24 games. 7 buts, 13 okay, passes. Très belle saison pour ça va bien. Moi, je pense que. Ça va bien. Il va bien. Laisse-le long. Il y a Blasman dans le chat qui dit qu'il n'est pas d'accord avec nous autres. La solution, c'est pas de ramener les gars de Laval. Ouais, non, je pense pas qu'on est là. C'est pour vrai. POP, ça peut juste être nuisible au pire. Ouais, puis il faut avoir des joueurs. Il faut qu'ils deviennent résilients un peu. Il faut qu'ils acceptent pas de perdre. Puis je sais qu'il y a des solutions. Mané, il va falloir en amener. Mais on est encore trop jeune pour essayer d'amener un gars trop vite demain. Pas n'importe qui. Tu sais, après ça, c'est quoi Dak? C'est quoi un petit. Tu l'envoies 2 semaines là-bas, genre. Non, c'est ça. Fait que, moi, je suis pro-boulier. Pour cette année encore. On t'a préparé les mêmes choses. Là, c'est ça l'affaire. Là. C'est qu'on est comme, on n'est pas en mode solution. Là. Ah. On n'aspire pas vraiment au playoff. Moi, j'ai mis 20$ avec ma lettre qu'on est frais. What a mistake. Tu voulais perdre 20$. Moi, j'ai dit qu'on était peut-être pour être proche, mais tu vois, moi, je suis pas. Il y a eu un bet. Moi, j'aime ça prendre des paris risqués. Attends, c'est quoi le bet? 20$. J'ai battu 20$ avec ma lettre que les Canadiens ne peuvent pas faire les playoffs. Et tabarnak. Avec qui? J'étais confiant. Avec Mallette. Avec Mallette. Ah, si, t'es con. Je vais lui donner 20$. Mais je vais juste le voir l'année prochaine parce qu'il revient jamais. Fait que... En fait, on devrait prendre ce 20$ et mettre son numéro à roulette. Là, ça, c'est, ça, c'est un bête émotif comme mais acheter mais le chandail de Drouin. Ben non, ouais. Effectivement. Ah, Jeff, on va prendre son 20$, on va le mettre sur le quand 22 et on va regarder si ça gagne à roulette. Vas-y, un, quand j'ai acheté le chandail de Drouin, c'est un encan pour les joueuses de tennis. OK, OK. Les joueuses de tennis. Biandra, c'est quoi, Bianca Andreescu? Jeu Eugénie. T'as cul, hein? Pickleball? Oh, on parle pas de pickleball. Je m'en allais dire de quoi, mais je peux pas en parler. Quoi? En 2024, c'est ça? Attendre après Noël. Hein? Ah. C'est tombé mystérieux. Il y a un scoop. Il y a un scoop. Il n'avait pas joué une game avec quelqu'un là-dessus. J'en parlerai entre les périodes. C'est pas d'eau en quête. Si je m'en rappelle. Acheté avant qu'il Dave, joue. C'est parti une ligue féminine de pickleball. Hey, mais si tu vendais le jersey, genre, tu C'est quoi le centre sportif avant de se rendre à Saint-Jean? Ouais, absolument. Pas un câble. Il y a deux discussions. I bought it before you played. Faut chercher ça. Deux discussions même. Cabotinage. Tu veux dire quand on s'en vient, ça arrive sud, mettons, puis tu passes au 10-30, le centre sportif qu'il y a Non, on passe ça entre Chambly et Saint-Jean. À un moment donné, il y a comme un centre sportif. Là, il y a un terrain de soccer intérieur, il y a une grosse aréna. Il y a comme... Non? Le terrain de soccer comme l'usine d'épuration. Intérieur? Ouais, peut-être pas. À Saint-Jean, il y a ça, mais il n'y a pas d'aréna, là, par exemple. Non, OK. C'est juste un terrain de soccer. Okay. Saint-Jean, il y a quand même trois arénas, Saint-Jean. Je me suis dit peut-être que c'était là le centre de pickleball. Mais pas club junior. Il n'y a pas de. Ben, à ce temps, il y a le. Les aigles. On s'en calisse. Les aigles. Hey, mêlé, on s'en calisse. Il est où? Il est en bas, à gauche, dans la page. Dave, il est comme. Vous le dites par cœur, sont où? Vas-y, c'est ça, je suis pas habitué. La réponse est, on s'en calisse. Et voilà. Prépare ton sound effect de Lane Hudson, parce qu'on va parler de Lane Hudson dans les prochains audios. Donc, vidéo numéro 1 du bon Martin Saint-Louis, donc, qui date de l'après la pratique cette semaine, mercredi. On a parlé de Lane Hudson, donc par rapport à Lane, pratique, beaucoup sont lancés. Veut améliorer ça dans son jeu. Penses-tu que c'est une bonne idée pour lui et qu'il est une bonne voie? Ouais, je pense pas juste lui. Ah, il y a du headroom, là. Je pense qu'il faut qu'on... Il y a de l'air d'un... Il faut jouer plus rapidement quand la puck va en haut. Parce que quand tu amènes des pucks d'en haut en bas, mais ça crée du chaos. T'sais, tu donnes l'opportunité, puis plus ça prend du temps, mais plus nos hockey sont couverts. Fait que c'est pas tout le temps qu'on va avoir des hockey ouverts, mais habituellement, quand ils sont ouverts, c'est de suite. Puis si on... comme on joue pas assez vite quand on a la rondelle en haut, c'est pas nécessairement un excellent lancer, c'est juste un lancer qui passe, qui bat la première vague qu'ils ont devant nous autres. Puis je pense que c'est quelque chose que... Parce qu'on est bon à gérer notre zone offensive. T'avais raison, Furious. Hey, you can't do that. Comment vite qu'on peut amener la puck en bas de là. Il a raison, par exemple, je comprends ce qu'il veut dire. Ok, attends, il y a un bout que j'ai phase out, là, où ce qu'il parlait des bâtons verts, bâtons fermés. Il veut juste qu'il y ait un bout de stick. Il parle des bâtons de qui? Stick check, là, c'est les stick check. C'est ça, il y a de la place. Il traduit tellement que, man, il me tue. C'est parce que c'est vrai. Non, mais parce qu'il donne du détail. Quand la puck, elle part d'en bas, puis elle monte en haut. Ok, mettons, t'as passé au défenseur. Là, on dirait qu'ils prennent toujours le temps de checker. Est-ce que je fais une passe ou je sais? Mais non, faut pas te faire ça. Faut tirer tout de suite. Mm-hmm. C'est ça qu'il dit. Ouais, est-ce que je m'arrête ou est-ce qu'on continue? J'arrête jusqu'à... Ouais, c'est ça. Il y a First Angel. Arrête de penser. First Angel dans le chat qui dit on dirait un enfant qui mange à la table des grands pour la première fois à Noël. Ouais, c'est vrai. C'est un peu ça. D'ailleurs, ils n'ont toujours pas réglé le problème de Mikey, les journalistes à la pratique. Hey, ça, c'est mauvais. C'était à propos de qui? C'était à propos de Lane Hudson, d'ailleurs. Lane! Le bon Lane, voilà. Ça vient de où, ça? Demande ça à Nick, c'est lui qui m'a demandé de prendre ça. Ça, c'est une toune Real Thing d'Alice in Chains. Okay. Puis Lane Staley, c'est le chanteur d'Alice in Chains. Fait que Lane, c'est pour ça que je pense à ça. C'est clever, ça, en essai. Ouais, ça, c'est une toune live en plus. Wow! Après ça, il dit Sexy Chocolate Baby. Si c'était Sexy Snacks, on aurait pu le mettre pour le oui, malade. La toune à Snacks. Deuxième vidéo, donc maintenant, justement, on parle de Snacks en deuxième vidéo. On dit Snacks s'en va au tournoi des Quatre Nations. Il connaît une bonne séquence devant le filet. Tu penses-tu que ça a rapport? Mais je pense que c'est sûr. Vous voyez ça avec le timing de ça, mais je pense que tout ça s'en venait à bien avant ça. Tu le voyais. Je pense comment qu'on. qu'on a commencé à faire les choses en avant de lui. Ça l'a aidé d'être plus confortable dans le filet. Il y a beaucoup de continuité, il y a beaucoup de matchs de suite, fait qu'il se sent bien. Je te dis pas c'est une chose, mais ça part toujours avec le joueur. Je suis content. Puis je suis content d'en parler aussi. Merci Michel. Michel. C'est des paroles vides. C'est du vent, cette année, il est dur, le Martin. Il est vidé ou il est en crise. Je l'ai ouvert. Tabarnak. C'est juste des boutons. C'est quand je gosse en arrière. Pourquoi tu gosses en arrière? Parce que j'ai voulu mettre mon doigt comme accroché en arrière. Il y a un problème technique. Parce que tu peux le mettre le doigt si tu veux, c'est pas sûr. Il est parfait. C'est parce qu'il faudrait que je le prenne de même, tu comprends? Là, j'ai fait ça pendant. Hey, c'est des affaires techniques. C'est pas grave, lâche-moi. Ouais, ça mérite ce cabotinage Benny Hill, ça, les gars. Dans le cabotinage. Dans le top, j'aime pas tes affaires, moi. On va revenir encore un peu sur les notes. Si tu veux remettre le son encore, vu que Nick aime tellement ça, là. Comment tu vois Lane évoluer dans l'environnement de la Ligue nationale? Je pense que c'est un entourage différent. Différent. Il est entouré, il y a toutes les... Il y a toutes les choses à sa disponibilité. Dans la tournée, que ce soit dans le gym ou que ce soit performance mentale, que ce soit n'importe quoi, nutrition, tout ça. Okay. C'est comme stéroïdes, tabarnak, hein? À devenir cocaïne. Un pro. Okay, arrête ça. Puis, arrête la vidéo. Là. Devenir ça. Un pro, c'est de la des actions. La première fois qu'on se fait demander. Comment que tu gères tes journées, comment tu gères ton énergie, comment tu prends soin de toi. Moi, je trouve qu'il est un passionné de hockey. Ah, c'est un passionné. C'est un beau témoignage. Il traverse ses choses. C'est de l'amour. Il y a toujours un kid qui aime ça être à l'aréna. Non, je pense qu'il fait la biographie de. Je pense qu'il y a des belles exemples alentour de lui aussi. Un bel exemple. Il y a des belles exemples aussi. N'importe quoi que je veux faire, je ne passe pas, moi, te le dire. Là, c'est de la crise de bullshit. Mais commence à dire qu'il apprend à être un professionnel parce qu'il y a les facilities, puis il y a un support moral, puis la nutritionniste. Hey, fuck off, là. Il était à quoi? À Boston College, où il était d'une grosse université de hockey, où le programme a tout pour eux autres. Les universités, en général, sont même quasiment plus évoluées que les crises d'équipe de la NHL. Wow, c'est première canadien, partie là. De la question, fuck it, c'est de la bullshit. Ben, faut qu'il dise de quoi. Je sais que c'est pas si grave. Ben là, il se passe, il arrive. Enfin, il est en fait mais pour vrai, c'est une cassette. Là. Mais ben vite, ben pour commencer à arriver au bout de la tête. Il est clairement rodé. Là. Parce que là, tu sais, il extrapole super gros sur des astuces d'affaires. Tu sais, il va comme dans des détails que juste pour vraiment donner des longues réponses. Oui, mais il est aussi beaucoup plus formaté par rapport aux réponses, mettons, comme de l'équipe. Ouais, mais là. Il regarde moins chantant. Mais non, mais dans le dernier deux mois, tu sais, il commence à avoir plus de pression sur lui. C'est l'affaire de Dak qui veut pas, mettons, comme le bencher, tu sais, pour les raisons qui appartiennent. Mais c'est quand même quoi rendu là? On fera pas essayer rien. Ben, c'est pas laisser jouer jusqu'à l'heure qu'il reparte. Mais quand même, l'attention est comme dirigée sur lui. Tu sais, là, dans l'équipe, là, ça a genre bouncé, là, toutes les affaires rentrent, tu sais, ça passait Dak, à un moment donné, c'était Saint-Louis. Ça passait Dak? Ben, ça passait Dak! Ça passait Dak! Saint-Louis a passé Dak. Ça passait Dak. Anyway. Hey, on revient encore. I know what you mean. Encore sur Lane Hutson, malheureusement. Oh, Lane. Lane encore. Lane. Lane, bouton Lane. Okay. Oh, wow. On n'a plus le droit de jouer de la saison après ça. Ouais, ça va être la seule chose. Bon. C'est fini. Parce que les journalistes, c'est comme back-to-back des questions sur Lane Hutson sans arrêt. Back là, ils ont Lane dit, Hutson. Back to Lane Hutson. Es-tu impressionné par la constance, Dave, si tu veux, de Lane Hutson? Non. Chanteur de construction! Ben oui. Il panique. Peut-être. On dit t'as... Remets les dons, là. Tout. I need constance. Voilà. Yeah, bon, on va aller parler de la constance de Lane Hutson, justement. Oui, puis tu sais, ça part pas de son côté offensif. C'est sûr qu'il a le côté offensif, mais c'est comment qu'il est combatif défensivement. Puis il apprend à jouer avec quatre autres gars à la glace, des deux bords de la glace. Moi, c'est son intensité qui m'impressionne de match après match. Il y a des maillots. Il y a son ballon. Il y a une constance. Parce que l'affaire, là, c'est que ses réponses sont bien plus formatées, je trouve, justement. Ben, il dit comme... Puis là, en ce moment, il dit Mais il dit la vide, là. Il dit de la merde. Il dit de la merde, là. Il dit fuck out. Il remplit l'air. Ça fait trois questions qu'il répond. Ça fait longtemps qu'il fait ça. Ça fait de l'année passée. Mais l'année passée, oui. Mais l'année passée, il a de niaiser. Il ajoutait les journalistes un peu. Un petit côté. Ouais, personnel. Un petit côté. Il ajoutait sa touche à lui. Là, il. Épice d'Halloween. Tu sens que. Ouais, c'est ça. Un peu cheap, là. Mais c'était drôle, là. Mais là, cette année, il est plus comme. Tu sais, il est plus comme. Ils l'ont travaillé un posé. Peu. Passé l'été à se pratiquer. C'est ça. Avec cet été, ils l'ont préparé comme il faut. Chantal, là, ses réponses sont un petit peu Chantal. Plus... Il est canadien de Montréal. C'est sûr, man. Là. Ouais. Il est framé il pour est avoir le moule du canadien. Il watch, là. Chantal a le brise. C'est ça, mais c'est correct, parce qu'en même temps, les questions sont souvent... Il a passé sont souvent dans le moule. À chaque fois que tu réponds à bonne question, je te montre mes boules. C'est juste que le problème, c'est qu'il... J'ai dit moule, pas boule. Moi, j'ai compris boule. Boule. À chaque fois que tu réponds comme une fois une question, je te montre. C'est comme dans j'ai Billy. Dit, il a passé l'été dans le moule. Ah, avec les boules. Dans Billy. La construction! Et justement, dans la vidéo numéro 5, on demande la différence entre un team à construction et une équipe qui est juste pas bonne. Je sais pas, je pense que c'est différent pour tout le monde. Chaque situation ne sont pas pareilles. Ça dépend leur... leur plan de ces équipes-là, ça dépend, c'est sur quoi qu'ils travaillent. Le plan, c'est d'être pas bon. C'est pas, il n'y a rien de facile dans une reconstruction. Il faut soit calculer dans ce que tu fais, il faut que tu restes sur ton plan, si tu veux. C'est vrai que c'est ça. Ça fit à peu. Mais tu sais, moi, comme. Ça fit, hein? Moi, je parle de c'est juste trop fort. Mon ouais. expérience. Ça, c'est comme passer une entrevue à job, mais à tous les jours. J'ai vraiment à mettre beaucoup d'emphase sur développer l'individu, développer de la manière qu'on leur apprendre comment on veut jouer en équipe. Hein? 2 minutes? Ouais. Puis leur faire apprendre ça. On peut l'arrêter aussi. On l'arrête. Puis leur faire apprendre à gagner, ça, c'est beaucoup trop. Tu peux-tu le mettre à 1.5 speed? 2 ans plus, t'es vraiment focusé sur l'individu. Je peux faire des jump cuts pour voir ce qu'on... le brand que j'appelle comment qu'on... puis apprendre à gagner, c'est pas comme... Puis si tu demandes au revoir... Ça va d'un mix des Blue Food, c'est man. C'est différent cette année. Différent. Comment qu'on gère les choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses, voir? C'est très important pour une progression. Oui, OK. C'est que ça suit, là? Moi, je trouve qu'on... Ce stage-là nous aide à passer à l'autre étape. J'ai tout compris. On dirait un podcast de papa cassette. T'as-tu tout moins ri à la fin, Gabi? Il répond de 3 minutes. Les journalistes, ils ont l'air de faire comme t'es fort. C'est bon, laissez-le. T'es fort, t'es fort. Jeff, t'as-tu le bout? Il est comme fier. Il a réussi à remplir de l'air. Alex, t'as-tu vu ça, le bout de cette semaine où il a parlé après la... C'était-tu après la défaite de 9-2 où il a dit la chaîne a débarqué? Ouais. Je l'ai vu, ouais. Tu l'as-tu pris? Non, je l'ai pas. Mais je peux aller chercher. Hey, non, mais c'est n'importe quoi, là. Il fait juste, tu sais, il parle aux journalistes. Ouais, là, c'est 9-2. Non, je sais, mais tu sais, il est comme, la chaîne a débarqué. Il était un peu funny, là. C'est comme... C'était un peu funny. Ouais, puis le monde est en crise ce matin, là. C'est pas tant drôle, ben, là. Ben, c'est le même qui devrait aborder ça. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? C'est de la merde. C'est un peu funny, parce que they suck. C'est un peu ça. Chier, ça. Non, mais en fait, gars, il y a l'approche chat de nos jours. Mais il y avait, si vous vous souvenez de l'approche que comme, Michel Therrien a déjà callé out sa défensive à Pittsburgh en voulant dire ça a payé de la Ligue. C'est-t-il. Ouais, mais c'est Michel Therrien a fait ça avec non, son capitaine. Ça, mais c'est fini ce temps-là. C'est le pire de l'histoire du Canada. Ouais. Absolument, non, mais je suis d'accord. Mais c'est ça de nos jours. On a passé de dire les vraies affaires à. Ou Pat Burns dans le temps qui disait qu'il mange de la merde. Puis là, on a. Ouais, mais ça te coûte un peu. Ouais, mais ça, c'est trop. On dirait que c'est trop jovial. Mais historiquement, c'est plus ça le point. Historiquement, dans ces affaires-là, c'est quand t'es rendu là, ça te coûte ta job. Non, non, t'es mais. T'es à la fin, mais. Scotty Bowman a fait ça toute sa vie. C'est fini. Puis il a eu une job tout le temps. Ça va pas nulle part. Parce que les journalistes, ils condamnent la. Les journalistes, on s'en fout. On en parlera dans NHL Around. À vous, là. Non, mais à vous, là. Avant, les journalistes. Il a perdu sa job. Quand les journalistes, un anime que genre, il n'y avait plus de contrôle dans le vestiaire, les autres, ils faisaient comme. On OK, he's done. Puis là, genre, il est brûlé comme Guy Carbonneau, man. Tu sais, Guy, ça finit avec un pétage de coche. Mario Tremblay, pétage de coche. Non, mais attends, Mario Tarmé, il a envoyé chier Brushier solide. Là. Ouais, mais oh oui, ouais, mais dans ce temps-là, c'était il normal. Il l'a pas traité. Il fait Brushier, il vend des matelas racistes. J'aime que oui. Brushier, il vend des matelas à Québec. Brushier, il a pas dit la N-word. Non, Brushier, il travaille dans un concessionnaire. Genre, ah, ouais. C'est ça, oui. Ah, mais il coach et tout. Il coach à des niveaux. Je l'ai vu jouer. Novice, genre. Je l'ai vu jouer au début de l'année. Il y a de l'action dans le chat. Pour l'équipe Saguenay, je pense. Blasman qui dit gagner, c'est pas un plan. Mon Marty, c'est une attitude. C'est pénible à écouter. Ouais, c'est ça, écoutez, c'est vrai. Bordelot, l'ancien batailleur qui était avec l'Avalanche. Ouais. Carbo qui avait dit qu'il voulait pas travailler. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que je veux dire? Ah, mais il a pété les plombs après les journalistes. Puis en fait, comme. Ouais, mais ça. Il a reculé comme d'un petit pas. Puis en fait, ben là, calme-toi. C'est trop intense, mais on dirait que Saint-Louis, c'est trop jovial. Mais pour plus les années avancent, puis plus l'étau va sorcerer sur lui. Puis là, il va avoir la vraie pression. Parce que là, les journalistes, sont gentils. Parce que tout le monde est cool. Ben parce qu'on sait qu'on est pas gagné. Mais à un moment donné, l'étau va commencer à s'enfermer tranquillement. Mais là, ouais, là, on commence à s'enfermer cette année. L'année prochaine, ça va être payé. Il va avoir un gap à chaque année. C'est qui le coach du Rocket? Du Rocket, c'est... Il est prêt pour le shooter. Vincent. Pascal Vincent? Je suis tanné. Pascal Vincent, c'est comme, c'est lui qui est attendu. Le monde sont comme, hey, dude, Pascal Vincent, il est en bas, puis nous autres, on a battu à Saint-Denis. Ouais, mais je sais. Ben ouais, non, mais ça, admettons, dis ça de même. Il va y avoir une pression qui va venir d'ailleurs, à un moment donné et tout. Mais on va se le dire, les journalistes font ce qu'ils veulent. Saint-Louis, il a bien beau de nous dire de la merde en entrevue, c'est pas grave. L'important, c'est que si dans la chambre, il dit les bonnes affaires. Mais à date, en ce moment, quand on voit sa réaction en arrière du banc, il commence des fois à choquer tranquillement. Mais je pense qu'on aimerait s'en voir un peu plus. Pas choquer contre ses joueurs, mais des fois, le juste montrer de hey, ça me fait chier, moi, avec. Là. Parce que quand il est en entrevue, il fait juste dire des hosties niaiseries de même. Là. Puis je comprends qu'il veut protéger ses joueurs, mais à un moment donné, c'est un gars d'émotion. On l'a vu toute sa carrière. Il était tout le temps en entrevue en train de dire je suis pas satisfait de l'équipe. C'est un team player. On aimerait ça sentir. Oui, mais il est encore joueur pour dire qu'est-ce qu'il est en chambre, reste en chambre, qu'est-ce qu'il en dehors. Exactement. Il est encore trop proche de la game. Si c'est ça, je suis d'accord. Parce que l'important, c'est comment il parle à ses joueurs puis comment il deal avec ses joueurs. Parce qu'au bout du compte, ce qu'il dit à l'extérieur, c'est du vent. Allant dedans, là, ça, c'est comment qu'il gère sa chambre. Là. C'est pour ça qu'il part à rire à la fin, parce qu'il sait qu'il vient dire de la merde pendant 3 minutes. Puis lui-même, il sait, puis il rit. Puis les trois minutes sur la différence entre un team en construction et un mauvais team. Puis ça amène comme un autre chose que je me demande. C'est genre les scrums. Attends, là, si. Il aime doué, là. Non, mais ça amène à une autre question pour vous. Là. Les scrums médiatiques, là, c'est-tu passe vraiment important, genre, à la fin des games, tout le temps de même? Avoir mais ça, en plus, c'est après, gens, genre, un training. Après les entraînements, après, genre, après les games, Chris, à un moment donné, calmez-vous, tabarnak. C'est true. Non, absolument. En même temps, la vérité, ça sera toujours que, exactement, il y a la business du journalisme, d'être là à tous les jours pour donner du contenu, fait en sorte qu'à tous les mots du jour, ils posent les mêmes questions, puis à un moment donné, ils n'ont plus d'idées. Les coachs pour répondre, ils n'ont plus d'idées quoi faire. Écoute, tiens de te faire rosser, tiens de te faire défoncer, je sais pas, au moins 6-2, OK? 9-2, mettons. 9-2, mettons, pour être de l'exemple. En tant que journaliste, tu sais, tu demandes, tu sais, genre, c'est quoi la première question, genre comme... Qu'est-ce qui s'est passé? Défaite de 9-2, c'est comme, comment ça s'est passé pour vous? Comment t'expliques les résultats? Est-ce que tu veux parler de l'attaque à 5? Martin, Marc, Jean-François Crompe, la soirée du podcast. Exactement! C'est ça, je m'en allais dire. Marc reprend puis dit Martin Véro. Martin Véro, la soirée du podcast. Comment t'expliques la défaite dans soir? C'est quoi ces questions-là, man? C'est une mentalité des années 50. Ah, mais c'est ça, là, nous autres, on devrait y aller. C'est ça qu'on disait l'autre fois, Marc, nous autres, on devrait y aller. Alors, j'avais une carte média. Non, mais on va se pogner. Pas vraiment là au centre CM, c'est à Brossard, là, le CN. C'est à côté, on va y aller. Ouais. Là, Jeff, il va, on se pogne une carte média, puis on pose des questions. On a pas de carte média. Fait que là, Martin, à soir, là, la débandade. Là. Exact. Quoi, la débandade, hein? Comment vous avez débandé à soir? Est-ce que c'était mood and shot? Ça a comment t'expliques la débandade? Nous autres, on serait l'autre média. Quand tu parles de deux chaises. Long commentaire de Furious, mais oui, absolument. Payer une fortune pour aller au Centre Bell, que ta bière te coûte 25$, puis tu te fais botter le cul, puis à la fin de la soirée, t'as ton coach qui fait juste rire. Bonne. J'avoue que ça fait chier. Mais en même temps, arrêtez de dépenser cet argent-là aussi. Parce que pour vrai, tu peux plus attendre aujourd'hui là, avoir un bon spectacle. On n'est plus genre les Franco dans la cage à poules dans le temps de Maurice Richard. Là. C'est plus ça. Là. C'est vraiment, tu flippes à quoi? Tu décides d'aller pour le Canadien, tu y vas, bon l'ambiance sent belle puis tout, mais va pas là, une victoire. C'est ça, tu y vas, victoire. Mais je comprends ton point. Je sais que ça peut être frustrant. Mais tu sais, c'est sûr que je suis au fond, pas du plus. Ceux qui sont fous. Oh, mais, Cheers, Dave. Yes. Toujours pas, on a des shots à l'air. Il y a un autre extrait aussi. Oui, une c'était un gros. Bon. C'était un gros, celui-là. Extrait numéro 6. C'est doux comme les. Oh, Chris, c'est un beau, celui-là. Hein? C'est qui s'est laissé aller, celui-là? Hein? Celui qui n'a pas bu. Alex, c'est un naturel. Ça sort tout seul. On lui a demandé qu'est-ce qui fait que le tir de Heinemann est si bon, puis est-ce qu'il devrait s'en servir plus? C'est une belle question. Je pense qu'on va dire non. Non, il s'en sert assez. Il a trois buts. Et il nous surprend. De... C'est un gros. Tu sais, écoute, il pourrait passer à la ligne bleue, là, puis envoyer un lancer. Tu sais, mais. C'est-tu le jeu? C'est pas le fait jeu. Que c'est de continuer à trouver des manières, des situations de lancer. Puis habituellement, quand il y a des situations de lancer, c'est rare qu'il lance pas. Puis c'est d'aller chercher plus de... Situation de lancer. D'occasion. Okay. Mais son lancer, il est très... très caché. Pourtant, il joue à l'étude. Son release est différent de beaucoup de joueurs. C'est vite. Il n'y a pas une longue présentation. Tu sais ce que je veux dire? Fait que c'est pas facile pour le gardien. Il n'est pas élégant. Il est en train de voir les sticks. Une longue présentation. Je lève mon bâton. Un petit peu avant qu'il lance. Fait qu'il change son angle de pas beaucoup, mais juste assez pour que le gardien ait plus de trous. Non, c'est bon ce qu'il dit, là. Sérieux, c'est fucking bon, là. Il doit être drôle à écrire, ce gars-là, man. Merci, par exemple. Est fatigant, ça chope. Ah non, mais OK, pour vrai c'est crissement bon ce qu'il dit. Ce qui fait chier, c'est un peu la question, en voulant dire, on met ça en doute, Heinemann, il est sur le quatrième trio, il fait quand même une job très potable puis très honnête depuis le début de la saison. Genre de call-out, Heinemann, pour il shot ça assez. Chris, il est sur le quatrième trio, il voit que les chances qu'il y a, là. Faut trouver les sujets, hein? Faut trouver les sujets, mais ils n'ont rien à dire. Mais pour remplir les pages du papier, journal. Autant que ça fait 15-20 minutes qu'on rit, là, il a fait une crise de bonnes réponses, puis son commentaire, là, ça te fait comprendre un petit peu plus la shot. Puis qu'est-ce qu'il fait avec sa shot? Ça y est, Nick est bandé Saint-Louis. Saint-Louis et Heinemann. Explique-moi sa shot. Elle est fatigante, sa shot. Tu sais qu'on a pris elle aussi. Je sais pas si c'est ma shot, mais elle est fatigante, ma shot. Fatigante, ta shot, pas trop des trous. Dernier extrait. On a demandé de parler de la journée de la visite des hôpitaux du CH. Oui, c'est une journée de... Ça remet toutes les choses à sa place, on dirait. C'est n'importe quoi que tu passes à travers. C'est le fun. Mon père me disait tout le temps quand que je me plaignais ou quelque ça chose. Ça bâtit mon équipe. Mon père me disait tout le temps. On va faire une petite à l'hôpital. Tu sens pas bien, il va voir des enfants malades. Il y a du monde qui ont des vrais problèmes. Puis c'est pas des problèmes que surtout les enfants qui ont créé. Fait que de prendre cette journée-là, puis aller leur monter le moral et tout, mais ça l'aide pas juste eux autres. Ça l'aide les joueurs qui participent. Bon, il était fier. Je peux-tu ranter encore? Contre les enfants malades? C'est super bien ça, puis c'est une tradition qui est vraiment géniale. Puis oui, ça peut aider les joueurs, puis le kit. Le seul problème, c'est quand il y a eu la soirée, puis le Jaramène, on en a parlé beaucoup les dernières semaines, je pense, dans les médias partout au Québec, mais la game qu'il y a eu pour le cancer, puis juste avant, il y avait une présentation pour les enfants, puis les joueurs du Canadien se sont présentés d'une manière complètement minable. Pour le match, je veux dire. Oui, pour la game. Là, je trouve que c'est un peu... Il était fatigué, il tenait les enfants debout pour qu'ils tombent à terre. La job d'aller visiter les hôpitaux pour les jeunes, je trouve ça tellement noble, puis super charmant, puis les joueurs, ils se donnent, puis ils aiment ça, puis ça a l'air que c'est super positif, puis le kit, fine. Le seul problème, c'est quand c'est le temps de jouer sur la glace, puis que pour des enfants malades, spécifiquement pour célébrer ça ce soir-là, puis qu'ils se présentent de même, ça fait aussi partie de leur job un peu, une extension de l'hôpital. C'est leur job à faire, au moins présentez-vous, Chris. C'est une des games qui se sont fait torcher, je me sais plus contre qui. Ah, ok, tu dis c'est pas la game contre Vegas, ça. pense que ouais. Vegas, ça se peut. Mais en tout cas, ils sont fait défoncer. Je pensais pendant l'intro. Ça, c'est la game. Ça, je pense que c'est la game que je suis allé. Il y avait une soirée pour reconnaître les enfants en cancer. Puis là, ils ont joué comme des astuces. Puis même à ça, genre, c'est votre job. Vous devriez vous présenter à toutes les callistes de game. Ah, you get paid to play a game. Never forget. C'est payé très cher pour jouer 20 minutes. Pour jouer une game. C'est la game que je suis allé. Bon, mais voilà. Mais c'est la faute, en fait. Les bandes, toutes les bandes étaient roses. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Oh. C'est tout rose, les bandes. Ça, c'est un exemple. On avait allumé des flashlights pour l'air. Ça, c'est une extension, là. une extension, là, de reconnaître, là, ça, là, une soirée comme ça. Des petits bouts, là, qui ont de la misère dans la vie, là, puis que là, sont sur la glace, c'est leur routine, puis tu le quittes. Ça devrait être motivé, right? C'est pas ça, des enfants malades. C'est la preuve qu'ils aiment pas les enfants malades. Clairement. Il y a la Saint-Justine, il y a le jamais aux children. C'est juste pour eux autres. Non, mais non, mais non. Mais je sais pas. Non, mets la quote de paycheck. C'est juste à ça qu'ils pensent. Ouais, c'est ça. Ah ouais, mais là. For a check and paycheck. Voilà. J'en prendrais juste le paycheck. J'adore le paycheck. Paycheck, je peux t'en faire un de ça, les gars. Paycheck. Tout est malade. Paycheck avec le rire. On passe au risque, là. Ça, puis ensuite, à distance, là, comme Antoine. For a check. Ouais, back check. Jeff, on en faire un juste. Paycheck. Paycheck. Exact. Fait que ça, on va aller faire une deuxième entrée pour ouvrir pour la troisième période avec Around the NHL. Ben oui, il est fini. Ça fait longtemps qu'il est fini. Pause! Voilà, on est revenu! Il nous manque un membre Kevin Crash. On a fait 4 autres shooters! La bouteille est finie! Ouais, mais d'ailleurs, on va le dire, la bouteille est finie. Ouais, bah. L'excellent Suntory Whisky Toki. Ça vaut 66$ la bouteille si jamais vous voulez faire un don. Whisky Toki! Ouais, Whisky Toki. Le whisky qui est doux. En fait, c'est ceux qui conduisent pas qui ont fait les shots. Il y a Nick qui est trop chaud, fait qu'il est parti vomir. En fait, ouais, c'est ça. Il est parti. Si vous êtes un Patreon tier 3, vous pouvez voir Nick vomir avec la cam des toilettes. Ouais, des toilettes. Hey, une cam dans la toilette pendant qu'on pisse, ça serait ben, c'est Patreon tier 3. C'est super ça, c'est le c'est ça. Sans casser, on sport, OnlyFans. OnlyFans, le SDP. OnlyFans, c'est juste des gars qui pissent. Des toilettes, des caméras. Des gars qui pissent. Il doit avoir ça du monde aux States, les Kings. Moi, j'aime ça voir le monde boire et aller pisser. Les chaves de la soirée du podcast. Commencer de Patreon. Fait que là-dessus, on va aller faire la en fait, troisième période, mais on va attendre Nick après. Parce qu'il y a un audio spécial pour Nick. Il va-tu se laver les mains? Il y a une musique spéciale la troisième. Là. On va attendre au moins qu'il se lave les mains. Mais parlons de Laura de Montembeau. Laura. De Montembeau. Laura ou Laura? Laura. C'est Laura. J'avais Lane Hudson qui a un record de passes dans la carrière pour une recrue. Lane Hudson. Ah ouais? Plus de passes. Ah, c'est vrai, oui, c'est oui, il a battu le record. Y a-tu fait un point hier? Oui, je pense que oui. Y a-tu fait un point? Ça grandit à 8. Fait qu'il est rendu à 8 points. Nick a fini de vomir pour venir. Ouais, Nick, il s'est purgé. C'était rough. Voilà. Bonjour. Ah. Fait que Nick, on veut juste dire qu'on lui mettait rendu à 3ème période. Non, il est rendu à 3ème période. Il est rendu à 3ème période. Donc, c'est fini d'abord. Parce qu'il y avait un streak de 7, puis le meilleur c'était Gottesburg. Je pense qu'il n'y avait pas de points. Je pense qu'il n'y avait pas de points hier. Donc, ça arrête à 7. Ouais, c'est fini. Mais il y a eu le record de 20 pour passes. Le Canadien, un des défenseurs de l'histoire les plus rapides à atteindre les 20 passes dans sa début de carrière, c'est 29 matchs, si je me souviens bien. Puis c'est dans les top 5 ou 6 de l'histoire. Okay. Quand même. Voilà. Et sur ce, on va aller faire le tour le petit de la NHL. Around the NHL. La version avec Grelot. Version Grelot. Version Grelot. Version petite couille. Nick qui vient de vivre ça pour la première fois. Avec les Grelots. Hey, tantôt, là, je voulais parler de Michkov. Michkov. Ouais. Matvey Michkov. Il a essayé. Avez-vous vu qu'il a essayé de faire le ouais, le Michigan. Le Michigan. Le Michigan, ouais. Okay, puis, j'ai pas vu. Il l'a presque eu. Oui, il l'a presque eu. Puis il était pas content. Ah, ça, c'est l'affaire qu'il a. Tortellini, j'ai eu ça, mais j'ai perdu mon combat. J'ai perdu mon combat. Il a eu ça voir des joueurs, c'est de faire Michigan. J'ai perdu le combat, fait que genre. C'est what it is. Mais il a passé proche, là, genre, ça a vraiment pas la barre horizontale, je pense. C'est que c'est hard, hein. Il y a 27 points en 27 games. Ouais, il est sérieux. Je coffre ça. Why not, le rendu là, c'est. C'est une future, c'est Demidov l'année prochaine. Hey, genre, Demidov, hey, dude. Demidov, je sais pas s'il va être là. 27 points en 27 games. J'espère qu'on va être bandé Demidov pour vrai. Tu peux te permettre d'en faire. J'espère, je le souhaite. Je veux être sûr pour Demidov. Il est insane. Mais il me semble que ça fait plusieurs années qu'on se promette des. Là, pour l'instant, Mishkov, il est solide. Tu changes de quoi, mais mon son, j'entends pas. Non. Non. Ça tente de faire des tests. Là, tu m'entends-tu? Oui. Good. Dans le tapis. T'as entendu de Round NHL, au moins? Est-ce que vous m'entendez? Oui. T'entends très bien. Mais tu as le micro sur le menton, par contre. C'est pour ça qu'il parlait pas. Depuis tantôt, il était comme il nous écoutait, il parlait pas parce qu'il n'entendait rien. Moi, je veux tout, je la cote. Moi aussi, mais Mitch Kopp, oui. Calder, Trophée Calder à date, c'est le favori. Puis il y a beaucoup de monde qui se disent que c'est impossible qu'il va être délogé. Mais encore au début de la saison. Mais crissement bon, il a un bon début de carrière. Puis good job. Ouais, vraiment. Tu veux rajouter plus, hein? Matarasha. Tout a été dit. Oui. Sacrement. Bon, vu que c'est around the NHL de Noël, on va changer la couleur, on va mettre ça rouge comme ça. Oh! C'est trop rose, ça c'est rosé. Ça c'est rose. Hey, tu peux-tu mettre un rouge, un vert? Mais Noël. Je pourrais, mais je sais pas que ça va donner ces couleurs. Ça flash en rouge, vert. C'est pas rouge, plus grave vert. Que ça au pire. Ouais, non, on va mettre ça group, on va mettre ça rouge. Rose, rouge, voilà. C'est beau ça. Et on est pour le temps des fêtes rouges canadiens. Around the NHL. Ou genre on veut commettre un meurtre. Ouais, peut-être. La situation à New York avec Trouba et Kachuk. Donc, Nick, qu'on parle de ça, je pense. Vas-y, Nick. Mais là, on le sait. Il y a une grosse situation à New York. En fait, il y a plusieurs facteurs. Il y a eu de la manière que la gestion... Ce qu'on a pu au Québec en ce moment, des facteurs. Des facteurs, mais... Ça a commencé avec les histoires qu'on entendait des rumeurs comme quoi que Trouba et Kreider vous allaient se faire échanger ou ils étaient sur le bloc pour se faire échanger. Finalement, Trouba, on a vu qu'est-ce qui est arrivé. Trouba a chialé sur de la manière dont ça avait été traité parce que supposément, il s'est fait menacer de s'il n'acceptait pas l'échange, il s'en allait se faire crisser les mineurs ou quelque chose de même. Ou mettre au ballottage ou whatever. Il y avait une clause de non-mouvement. Il manquerait ça. Hein? Fait qu'il y a eu ça. Ensuite de ça, il y a eu l'histoire de potentiel maraudage. Kachuk Brady de son petit nom. Des rumeurs que serait intéressé à aller à New York. Puis il y a eu ça avec Brooks, un ancien ou encore membre de la NHL, comme de l'organisation de la NHL. Fait qu'il y a eu pas mal de choses à New York. Ça bouge. Thoughts, guys? Tots? Ben, Tots, asti. Tots being Tots. Tater Tots. C'est pour là. Ça, c'est du bon contenu. Tater Tots. Tater Tots. Non, mais quand même, là, Trouba qui est à Anaheim, mettons. Mais pour vrai, là. Trouba à Anaheim, je m'en coalise. Non, mais je trouve qu'il y a une grosse saga autour de ça. C'est pas une saga de gros. C'est grosse tempête dans un verre. Puis je trouve que Trouba, là, pour vrai, là, il avait l'air d'avoir. Il y avait une fucking face de bitch, man. Tu sais, quand il parlait. Je te confirme qu'il a face à pas changer. Il y a une face de bitch. Mais ça, qu'il a toujours été impliqué dans les essais d'affaires. Oui, ce gars-là, il est échange, il voulait pas aller là. Tout le temps dans de la merde, un peu. C'est ça, avec Winnipeg et tout, genre, c'est le temps. Ouais, mais Kreider, mettons, qui n'a pas été échangé encore, mais qui est quand même supposément sur le bloc. C'est quand même le leader. Ben, clairement, il y a un hostie de gros show qui se passe à New York. Là, oui, puis clairement, ça va pas bien. Il a essayé de faire. Drury est en train de chier dans la panne solide. En fait, ça a été accéléré quand Panarin a dit oui, je veux y aller. Chris! Il a essayé de faire all-in, on dirait, avec ce qu'il y avait là. Puis là, ils ont signé l'autre, leur goaler. C'est quoi, il était content. Tout des hostiments. Puis là, il gagne plus un hostie de game depuis que. Ouais, mais il a pas été top. Okay. Cool, mais New York n'est pas le j'écoute pas, c'est pas le Canadien. Chill, fuck. Bon, mais c'est ça. Écoute, non, mais pour vrai, non. Mais... Garde le segment, on s'en calisse, là. Ça va pas ça. Fuck le contenu. Ouais, fuck le contenu. Ouais, on est en fin de podcast, on boit de la bière. On boit de la bière. On parle de New York. C'est pour ça qu'Around the NHL, c'était à la fin. Ah, fuck it. C'est vrai que ça dérape, là. Fait qu'on, c'est pas du contenu qu'on a besoin de faire. On de quoi. On s'en colle! Mais pour vrai, ça me passait un peu si pire par la santé, ce point-là. Je suis vraiment. Oh, ben, ça fait l'excellent conduit, encore une fois. J'aime tellement l'honnêteté. Hein, mais pour vrai, je me suis pas attardé à ça. Cool, j'ai vu un peu, genre, j'ai vu, là, qu'il était. Ouais, qu'il pitchait comme une pitch, là, là, non, mais il y a comme là, un petit shit show, là, à New York en ce moment. Mais je me suis pas attardé à ça. Ça balance à New York. Mais je me suis pas attardé à connaître la chose tant que ça, à savoir qui dit vrai, c'est quoi la situation. J'ai juste vu que là, il y a l'air d'avoir... Ça bitch, on s'en calisse de True Bud. C'est ça l'affaire, c'est qu'il est comme... Oh. On s'en crisse de lui. Là. Mais voilà, fait que c'est le prochain sujet, l'avalanche et les goalers. C'est intéressant pareil. Non, mais tu pourrais mettre, fait que la réponse est... Oh, ben, on s'en calisse. Et sa bonne réponse est... On s'en calisse. Et voilà. Dingue. Prochain sujet, c'est l'avalanche avec les goalers. Ah, les goalers, c'est... C'est quoi là? Ils vont ont trader les deux goalers. Ils vont chercher des goalers d'un bord puis de l'autre, man. C'est incroyable. C'est comme. Mais il y a une panique. Anunen puis Georgiev, ciao bye. Il est en série quand même. Georgiev en plus, c'est tellement bon, man. Mais ils ont une panique là, voyons. C'est comme. L'année passée, il était sa coche, ce goaler là. Georgiev, il y a deux ans. Pour la coupe, il était. Mais l'année passée, il était. Ah, mais il y a sûrement une raison. Peut-être qu'on connaît pas non plus. Mais peut-être qu'il. Tu sais, à l'interne, je sais pas quoi, le voir. Peut-être. Peut-être que ça a pas. Il est super bon, on va l'envoyer, là, mais il est en Mais il score pas, lui, c'est vrai, c'est un goaler. Il se faisait scorer, ça a poudre. Mais là, il avait encore un extrait de poudre, d'ailleurs. Blackwood, il y avait une espèce de raison d'être à San Jose. Johnny Cash? Ouais. C'est oui. C'est vrai. Il en manque une coupe. C'est Folster Prison, ça. Ouais, je pense, on va le ramener. Falsum. Ça prend toutes les extra poudres qu'on peut avoir sur le poudre. Fait que poudre, l'avalanche. Ça va pas bien, l'avalanche de poudre. Voilà. Fait que Drouin, il se passe quoi avec Drouin, c'est ça, en parlant de la parlons du chandail à Alex qui dévalue à chaque jour. Donc, il se voir de Drouin. Attends, je vais regarder ça. Drouin? Juste pour le chandail à Alex, ouais, c'est ça? Ouais, il est où, man? Il est ranké comment, son jersey? Ça va être un peu le GI dans le podcast pour dire les stats de Drouin. Décide de changer son numéro. Est-ce que tu manges mal? Ouais, c'est comme ça va être. Hey non, ça va être le segment you Regardons fuck des me stats. All over, man. C'est notre sel pendant qu'on parle pas. Bon, Drouin cette année. Ouais. Drouin. Ouais. Il a joué 5 games. OK. Ouais, il était blessé. Ouais, blessé. Okay, ah, deux buts et 4 points en 5 games. Pow! Quand même. Hey, joueur de l'année, man. Boom, Mike Trout. Il était parti sur une séquence de 79 points en 80 matchs, man. Il était blessé dans le bas du haut du corps. Là, comme mais dans le bas du haut du corps. Tout ça pour dire, c'est à peu près jamais vu qu'on voit une équipe échanger ses deux goalers dans une première fois, man. Quand l'équipe est encore en série, l'équipe est en ce moment fait les playoffs. C'est pas comme s'il était en ils sont pas en construction. Ah, il y a vraiment une panique là, intense. Là, ouais, mais je pense que c'est justifié pour vrai parce que. Je pense que leur fenêtre était là. Leur fenêtre. Elle était là, leur fenêtre. Mais là, elle est fermée d'opportunité. De toute façon, là, c'est le temps de fermer parce que la fenêtre est ouverte. En réponse à la fenêtre d'opportunité, je trade Middle. Moi, je fermerai la fenêtre. C'est ça. Fuck it. I trade him. Trade him right fucking now. Là, dans le wild card, là. Présentement, Colorado sont deuxième dans le wild card. Quoi? Trade him right fucking now. So dans le slap shot. Slap shot, asti. T'as manqué l'opportunité. Tu dis ton cellulaire, asti. T'as une responsabilité. T'es jamais là. C'est quoi changer trade me right fucking now. Des 49ers qui ont perdu hier, qui sont clairement pas en playoffs. Ils font pas playoff? 49ers font pas playoff. Hey, ta gueule! Ils font pas playoff? Non. Vos gueules, c'est-tu? Les Chiefs vont y faire encore? Les Chiefs qui mangent la merde. Les Chiefs qui mangent la merde. C'est les Bills et Lions cette année, comment on va. Les Lions, ah ouais? Ah, mon équipe est finie. Prochain sujet. Sujet, le tournoi des 4 nations. Nick, t'avais-tu quoi à dire là-dessus? Tu m'as donné ça comme sujet. Snacks? Snack, ouais, accepté oui. Tellement, ouais. On peut parler du Canadien, ouais, en fait. Pris, aussi. Ouais, parlons du Canadien. Laura non, Snack. Armia. In your face, mallette. Ouais, hein? Armia. Ben, on aurait dû qu'est-ce qu'il va dire là-dessus? Armia. Il va dire que c'est arrangé. Ouais, ouais. À cause qu'il voulait avoir la représentation québécoise. C'est ça. Ouais, ça j'ai checké tantôt. Hot take, esti. Hot take. J'ai bien hâte d'avoir de défendre la vie. J'aime ça. Tu prends un autochtone? Il prend. Il est 2 dans la gang. Y'a-tu un noir, un autochtone, un queer? Quand il y a des premières nations. Mais ouais, non, snacks. Je J'ai juste regardé Alex, puis il est comme, ben là, j'ai même pas dit rien. Là. Non, mais j'ai checké le line-up. J'ai checké le line-up la Finlande juste pour voir s'il avait pris que de Kanyemi. Ils l'ont-tu pris? J'ai été rassuré de voir que non. Il y a une saison de merde. J'ai checké il y a pas longtemps. Des fois, j'aime ça checker parce qu'il me fait tellement chier. Il n'y a pas de bonne saison cette année avec Kanyemi. Fait que, mettons, Montembeau, oui ou non, êtes-vous d'accord avec la nomination? Ah, moi, je suis d'accord. Qui d'autre tu vas prendre? C'est quoi les choix comme gardien canadien? Pas vrai, les choix très limités. Non, mais allons-y pas par défaut. Est-ce qu'il a mérité sa place? Est-ce qu'il mérite sa place? Oui, Bennington. Par défaut. Qui Bennington? Moi, je vais répondre. Non, mais c'est quoi les choix? Ça dépend toujours des autres choix. Il est là. Il y avait Dakart, supposément. Puis Bennington. Il y avait Skinner. C'est pas qu'il est bon, mais il y a c'est Bennington, c'est Hill, puis Montembeau, troisième. Montembeau. C'est qui les autres choix? Montembeau. On savait pas Skinner, Dakart. Skinner, il fait quoi Fleury, en ce moment? Fleury est trop vieux. Skinner, là, il est troisième. Skinner, si genre Edmonton sont chanceux, ils vont se ramasser en série comme correct, puis il va être bon. Écoute, au pire. Non, mais je pense que ça aurait pu être mais... Skinner, ça aurait pu être Fleury, ça aurait pu être Montembeau. Pas Fleury, là. Ouais, ça aurait pu. Fleury pour le Team Spirit, hey. Troisième roller. Un vieux de la vieille, moi. C'est la Coupe des Quatre Nations. Ça amène l'expérience. Tu mets ton hot stuff. Ben, ça, c'est comme la fois qu'il avait mis. Non, mais Mark. On amène John Scott. Mark, il avait fait la même affaire avec Brodeur. Il avait fait la même affaire avec Brodeur dans les Jeux Olympiques. Genre, dans les dernières années que Brodeur jouait, il l'avait pris comme troisième goaler. Mais c'était Luongo. Je pense que c'était Luongo, puis Brodeur était troisième goaler en arrière de je sais pas qui, là. Ouais, mais là, Price, t'sais, là, Brodeur, là, c'est comme il y a les records, il y avait la. Il y a pas le goaler, choix, là. C'est Price? Non, Price et Sochi. C'est Brodeur, je pense. C'est Luongo, Brodeur, puis qui? Cam Ward? Fleury? Ou Cam Ward? Maybe. Cam Ward? Cam Ward? Really? Mais de toute façon, là, tu sais, Fleury, il n'y a pas le standing de Brodeur, là. T'sais. Brodeur, non, c'est correct. C'est comme aller non, mais c'est pas ça. Non, mais là, dis, mais entre lui puis Montembeau. Non, on parle entre lui et Montembeau. Brodeur, non, mais Montembeau. Je suis pas sûr, moi, Fleury, tu sais, c'est fini, là, pas mal. Ouais, je pense que c'est troisième goaler, man. Ben, c'est sûr, c'est mieux que lui qui chauffe la Zamboni. Puis, restons dans les quatre nations rapidement. Ouais. Caulfield, pas dans Team US ou Suzuki, pas dans Team Canada? Ben, Suzuki, je comprends. Les centres, c'est compliqué. On a beaucoup de talent. Caulfield, surprenant. Caulfield, meilleur scoreur américain. Oui, parce qu'il y a des gars comme Brock Nelson, mettons, avec Team US. Clairement, ils veulent aller avec un jeu rôle défensif avec des responsabilités. Caulfield, meilleur scoreur américain dans la ligue. Ah, mais c'est un one-trick pony. À ce moment, au moment de la sélection, là, c'est encore le cas, mais c'était le top scorer, je pense que c'est encore le top scorer américain dans la ligue. Puis il joue pour une des pires équipes. Fait que, tu sais, je veux dire. Yeah, they want somebody that can do multiple things. Chantal. Comment tu dis ça? Non, mais pour de vrai, parce que je pense que c'est ça. Je pense, moi, c'est la seule explication que je peux trouver, parce que sinon, ton explication vaut la chandelle. La marde? La chandelle. Dis-le! Okay. Puis Armia avec Finlande? Finlande, ils n'ont pas de bassin. Ben. C'est ça qui se passe. C'est Kotkaniemi. Combien de joueurs Finlandais ou Armia? Ben, la population. La Finlande, je pense que c'est 5 millions, là, la population du pays. Non, tabarnak. Kotkaniemi ne fait pas la Finlande. Non, non. C'est ce qu'on dit tantôt. Non, c'est ça que Mart disait. Entre Armia puis lui, je prends Armia. C'est sérieux, là? Ouais. Kotkaniemi n'est pas bon. Il pourrait. Non, c'est surpris. Il a plus l'argent. Ben non, mais. Paycheck, four check back. Il a mieux que lui, apparemment. Non, on dit de l'argent sur votre technique. Non, je suis content. Ouais. Kotkaniemi cette année. Non, c'est pas non plus, là. J'ai rien contre lui. Oh, je suis content. Là, je suis content. Puis je suis content d'en parler aussi. Je suis un peu bandé. Tu sais, il a joué 29 buts. Il a 4 buts, 10 passes. Hein? Cette année, 29 games played. 4 buts, 10 passes. Ouf. Ben, c'est meilleur qu'Armia. Ben, 10 passes. C'est pas super. Armia, ça veut dire qu'il est Armia, pas. C'est mieux que Dak. Tout le monde est mieux que Dak. Moi, je suis mieux que Dak, je pense, même en ce moment. D'autres, on peut se consoler avec tout. Yoel, aujourd'hui, il y a 6 points. Il y a 4 buts, 8 passes. Pas loin, pas loin, pas loin. Est-ce qu'il y a un joueur plus complet qui va jouer à défense ou va jouer à piqué? C'est sûr. Puis que Kanyemi est supposé jouer ses deux premiers trios. Puis que Kanyemi est supposé jouer ses deux premiers trios. J'aime Armia quand même. Là. Moi, je suis un... Armia. Dans le coin des bandes, je suis un peu bandé Armia. Eh bien, meilleur. Dans le coin des bandes, hey man, Armia, il fait tout le temps le même move, par exemple. Mais ça marche. Il garde la puck. Quand il va dans le fond, oui. Mais quand il rentre dans la zone, il est dégueulasse. Il fait tout le temps le même move. Il arrête genre à mi-chemin entre la bleue et le fond. Il arrête là, puis là, il cherche la passe. Puis il a peur. Dans le fond oui. De la bande, il va aller en échec avant. Mais sinon, il fait check tout le temps le même move. Forecheck est bon, mais quand il rentre dans la rondelle, là, il est terrible. Il chie pas dans les coins, mais il chie un peu avant le coin. Il chie mid-zone. C'est pas trop ce qu'il va faire. Mid-offense. Il chie mid-zone. Est-ce que c'est bon? Il chie mid-zone. Armia chie mid-zone. Ben oui, ça aurait été dit ce soir. Ça va servir à ça. On l'a ressorti. Hey, il restait un sujet puis que Nick voulait parler, c'est Connor Bedard. Connor Bedard? Oui, je voulais ramener. Tu veux ramener Connor? Connor, est-ce que Connor? Michigan fait plus de points que Connor. Ce qui se passe avec mon Connor? Ouais, mais là, c'est pas la même année de... Oui, c'est la même année de repêchage. Même année de repêchage, c'est pas l'année recrue. Il est sophomore Bedard parce qu'il a joué l'année passée puis Michigan était pas là l'année passée. Combien il avait de points en 27 matchs l'année passée, mettons, comme Connor Bedard? Je pense qu'il en avait moins. Ouais, cette année, il a juste 6 buts, 18 passes. 18 passes quand même. L'année passée, il a fini à 22 avec. Là, il a combien de points quand même? Je pense qu'il est victime. 24 points, c'est bon. Je voulais en parler parce que je pense qu'il est victime. On parle souvent de la reconstruction, puis on dit waouh, Chicago, Korchinski, ils ont Levchunov, sont allés chercher. Ils ont une couple de bons joueurs, là, de jeunes potentiels, mais clairement, Bedard, il a l'air d'être seul. Ouais. Tu vois ce que ça donne. Puis en même temps, il y a un petit peu moins d'aura autour de lui. L'année passée, c'était comme oh shit, Bedard, il shoot. Là, cette année, c'est un petit peu. On n'en parle pas trop. Puis, c'est pas dire qu'il y a une mauvaise saison, mais c'est quand même. Il fait pas les honnêtes, mettons. Parce qu'on y mettait l'étiquette de Connor McDavid 2. Là. Ouais. Ben, je pense qu'il est frustré et tout là, en ce moment. Si c'est son slump de la deuxième, de la game de la deuxième, c'est la ça. La game de la deuxième, c'est quand même pas super. J'ai vu une stat sur son jeu, puis tu sais, il y a plus. Ça a sorti. Il y a un average time qui est plus gros en zone défensive qu'en zone offensive. Ouais, parce que l'équipe. Il passe plus de temps en zone défensive qu'en zone offensive. Parce que l'équipe est à chier. Puis tous les gros scoreurs de la ligue, s'il n'y en a pas un, genre, qui a son temps, il comme. Au moins, il n'y a pas à Cannes, c'est bien. Tout le monde a un temps avantageux. C'est chaud de Noël. Il a son temps avantageux, genre, il est comme en défense. Il est plus souvent pogné dans sa zone qu'en zone d'attaque. Ben, Chris, si tu veux pas le voir dans sa zone. Non, absolument. C'est une conversation logique. C'est intéressant. C'est une bonne staff, ouais, ça, quand même. C'est comme Chris, ça paraît. Ouais. Mais Connor McDavid sont tous en haut de leur temps, eux autres de defense play. Mettons, il reste 8 secondes. Il reste 8 secondes. Mais pas tout le temps. C'est quand même équilibré, mais ça s'en sort pas mal. Tu sais. Et tu sais, il reste 8 secondes. Hey, on va avancer! Forecheck. Plus encore. And paycheck. Fait, hey, c'était les discussions magiques de Round the NHL. On t'en reconstruction! Peut-être. Demande spéciale, directeur. Directeur général, on devrait l'entendre, j'ai monté le son. Moi, comme directeur général, je regarde pour améliorer l'équipe. Ah, le Boys Club de Marc. Ça a l'air de... Hey, attends, je vais amener un autre sujet, Colin. Ouais, vas-y donc. Il y a une couple de semaines, il y a eu l'article de The Athletic, je pense, avec Pierre Lebrun, avec Bergevin. Oh, ouais. Oui. Qui disait qu'il voulait partir. Hein. Puis il avait parlé. Il avait demandé de pas renouveler son contrat. Puis finalement, il était parti. Regarde, encore bullshit. J'ai pas compris l'histoire, c'est quoi là, dans le fond? Il y a eu un article, le premier article depuis qu'il a quitté Montréal qui a accordé avec un journaliste pour parler de ce qui s'est passé. Fait que là, il s'est dévoilé. Mais ça a été soft parce que, évidemment, Pierre Lebrun, je l'adore, mais tu sais, une entrevue directe avec quelqu'un, il va être soft. Il ne demandera pas les vraies questions. Ah, j'ai dit pour renouveler mon contrat. Rien de tant surprenant, mais à part le côté contrat, je pense qu'il disait comme quoi que. Non, il est juste comme. Il ne voulait pas renouveler le contrat après 2021, après la Coupe Stanley. Ouais. Mais Mel Monson, il voulait qu'il revienne, mais lui, il avait dit non. Puis bon, c'est pour ça un peu qu'il est parti. Parce qu'il avait besoin d'un break. Mais tu sais, il n'y a pas eu tant de grosses révélations. Il a parlé d'une coupe d'affaires, mais pas tant de choses surprenantes. Mais quand même, il avait plus c'est goût, plate là. Parce que les gros sujets n'ont pas été abordés. Non, mais c'est sûr que ça ne sera jamais abordé, ces sujets-là. Là. Mais c'est sûr, c'est de la stupide. Ce plan-là, il était cœur. Quel plan? Ça, il tente à plus. Là. Toi non plus, Martin. Non, non, moi, ça me tente toujours. Moi, Alex, c'est gros spé. Oh! On a passé au travers, les gars, quand même. Troisième tabarnak. Troisième arrosé, là, avec les shooters. Troisième. Ah, voilà. C'est ce que c'est, Calis. C'est ce que c'est la fin du podcast. Je pense que c'est moi qui chauffe ce soir. Ouais, c'est ça. Vous tous chauffez. De chance, Marc. Oh, shit. T'es un pour toute une ride, man. Allez, juste un shooter. Je me suis pas mis de l'eau, hostie, gars. J'ai pensé à ce qu'il fallait. J'ai amené de l'eau. Shooter. Ah, il en reste plus, c'est ça, au début. On ouvre un autre, sinon. Mais oui, donc, c'est ça. C'est, on remercie First Angel qui dit que c'était un bon show. Merci beaucoup. Voilà. Thank you, guys. Merci d'avoir parlé. C'est bénévole, ça, là. C'est, ben, ouais, c'est, c'est bénévole. Bah, on a du fun. J'ai jamais vu mon paycheck. Tu peux avoir ça les 15 cents du 4 piastres qu'on fait, si tu veux. Paycheck. Voilà. Yeah. Blastman, joyeuse fête à toi aussi. Joyeux Noël! Joyeuse fête, guys! Joyeuse fête! Joyeuse fête! Des belles fêtes! Puis on vous revoit quelque part. Manger de la crise à ton tir. Quelque part en janvier 2025. Plus chaud! Plus chaud! Ouais, plus chaud. Bye tout le monde! Ciao! Bye!